Rendez-vous lundi soir. Ah oui, déjà. Oui, lundi soir, on est une belle équipe de branleurs. On travaille que du lundi au jeudi. J'espère que vous avez bien kiffé cette semaine. On s'est encore éclaté avec vous comme tous les soirs. Merci. En plus, vous êtes de plus en plus nombreux à écouter l'émission. Vous la découvrez, vous la partagez autour de vous, que ce soit sur Facebook. Vous êtes de plus en plus nombreux aussi sur Facebook. Donc merci vraiment de nous soutenir et d'être là chaque soir sur Fun Radio du lundi au jeudi entre 20h et 23h. La suite tous les soirs après Love in Fun, c'est Mickaël No Limites. Oui. Tout à fait. Il est là. Mais oui, en pleine forme. Ça va vous? Je suis complètement drogué pour récupérer une voix, mais pour l'instant ça va. Voilà. Non, mais pour l'instant ça va. Tu as fait des piqûres à la cortisone, un truc de bien. Ouais, cool. Voilà, c'est ça. Non, Myrine, bien grave. J'ai suivi les bons conseils du doc. Ah, d'accord. Voilà, ça j'ai pris du miel. Marcher, hein. Oui, bah pour l'instant oui. Alors est-ce que ça tiendra jusqu'à 2h? Je ne sais pas. Au pire, j'appellerai le doc en pleine nuit. Bien sûr. Voilà, pour avoir un petit conseil. Oui, il est disponible 24 heures sur 24, surtout pour les filles, d'ailleurs. Je fais des exceptions quand même. Tu sais que le doc reçoit pendant toute l'émission des messages de femmes. Mais ça m'étonne pas. À le connaître un petit peu plus profondément. Sans compter les messages que nous, on reçoit des filles qui veulent caser leur mère avec le doc. Oh là là, quel don juan quand même. Oui, c'est ça. Ça va rester un fantasme. Hein. Ah. Allez, doc. Il paraît que le doc est un bon parti. Paraît-il. Paraît-il. Oui, en plus. Ah ben non, j'en sais des choses. Sa carte n'est pas bleue. C'est tout ce que je peux dire. Ben, comme la tienne. Laissez-le tranquille. Non, moi, elle est bleue. Moi, elle est verte. Ah bon, ça va alors. Bon, bah, bon week-end tout le monde alors. Eh ben, bon week-end. Salut, à lundi. À vous tous, l'émission. Salut, salut. Ce qui est quand même bien, c'est qu'eux partent maintenant, on fait une émission et on revient encore avant eux. Oui, et ça, vrai. C'est quand même, il y a un moment, je me demande quand même si on s'est pas un peu foutu de notre gueule quand on a signé quand même. Enfin, bon. Ah, oui, ça doit, oui. Ah, bah oui. Ah, oui, je suis d'accord avec toi. Oui. Allez, oui, bonne soirée, bonne nuit tout le monde. Ciao. Salut, Mickaël. Tu es quand même pas une pute, hein. 23h, 2h. Mickaël. Et on est en direct sur Fun Radio. Oh putain, c'est déjà la dernière de la semaine. Ouais, ça passe vite. Ah putain, ça passe à une vitesse. Bon, Mickaël No Limites, on va se marrer, on va évidemment passer de bons moments, etc. Bref, voilà pourquoi ça passe vite tous les soirs entre en notre et en votre compagnie. Alors si vous découvrez l'émission grâce à vos potes ou par hasard, bah soyez les bienvenus. L'émission s'appelle Mickaël No Limites. Et puis moi c'est Mickaël, hein, je suis avec vous le lundi, le mardi, le jeudi, le mercredi aussi d'ailleurs, 23h, 2h, je fais oublier un jour. Et puis le dimanche également de 20h à minuit. Pour venir délirer avec nous, eh bien vous prenez votre téléphone, vous appelez le standard 01 42 48 5000 et 02 851 4 x 0 depuis la Belgique. Il y a évidemment Sandro qui est là au taquet, bien entendu, hein, en pleine forme. Ouais, en pleine forme. Très bien. Il y a Victor également qui est avec nous là. Bonsoir Victor. Salut, ça va Mickaël? Ça va super bien et toi? Bonsoir toute l'équipe. Salut. En forme? Ouais, ouais, en forme et toi, ça va bien? Bon, écoute, ouais, ça va pour l'instant, j'ai encore un petit peu de voix. De quoi? Bah, j'ai pris du miel hier pendant l'émission, mais comme j'aime pas le miel, et en plus c'était dégueulasse. Et puis là, alors j'étais à la pharmacie tout à l'heure, on m'a proposé, alors vous me dites si ça a marché, Homéovox. Je sais pas ce que c'est. Bien, bravo, bravo. Bah, je sais pas. Non, mais t'as déjà essayé ou pas? Non, non. Bon bah Homéovox, truc je sais pas si ça marche, homéopathique, on verra bien, hein. On verra bien. Bon bah si vous avez déjà des conseils éventuellement pour la gorge, pour l'instant ça a l'air de bien se passer, mais je pense que ça ne durera pas longtemps dans le long de l'émission quoi. Donc on verra bien, on verra bien. Bon, t'as passé une bonne journée Victor toi? Super bien, et toi? Super, écoute, moi, foi, plutôt pas mal. Polo m'a payé un cheeseburger ce midi. Ouais. Wow. Bravo. La gentillesse même, ouais, vraiment bien, quoi. Je fais ce que je peux. Voilà. Bah, j'ai passé un bon moment, du coup, hein, un moment pas cher, en tout cas. Et ça, c'est cool. Bon, bah, du coup, Victor, reste avec nous. Là, Sandro, qui est donc, évidemment, là où taquet, elle vient de le dire. Alors, s'il vous plaît. Oui, comment tu dis Victor? Victoire? Merde, Victor, je vais y arriver. Victor, d'accord. Ouais, Victor. Non, je vois ça, elle est au taquet, là. Elle est show good tonight, là. Qui c'est, Sandro? Moi, oui. Ah, oui, t'inquiète pas, elle est toujours au taquet. Hein. Mais si vous êtes des mecs, n'hésitez pas, parce que, comment dire, elle est en manque, actuellement. Ah, mais t'inquiète, c'est pas la seule. Oui, mais bon, toi, t'as quel âge, Victor? Toi. Moi j'ai 15 ans, mais ouais, je dois aller. Elle m'écoute là, elle m'écoute. Ouais, pourquoi mais t'as déjà consommé il y a 15 ans? Oui, j'ai déjà consommé une. Je sais pas. Moi ma première fois c'était quasiment à 17 ans, alors c'est pour ça que je pose la question. J'ai consommé, on va dire ça comme ça, si tu le dis, alors. Bah d'accord, non, ok, bah, c'est comme ça que je le dis, alors on parfait. On veut savoir si t'as déjà déchargé au moins une fois le fusil. Ouais, t'inquiète, pas de soucis. Très bien. Bon, bah 01 42 48 5000 02 851 4x0 depuis la Belgique, si vous voulez parler avec nous, n'hésitez pas. Toff, pour ton anniversaire, tous tes amis sont venus pour te souhaiter un bon anniversaire. Ça va te faire enculer, connard. Voilà. Bon, non, merci. Et voilà. Non, t'as ta meuf, là, encule ta meuf, mais lâche-moi les couilles, là. Voilà. Sale con. Tout le monde était là. Vous me faites chier. Voilà. Allez vous faire foutre. Exactement, tout le monde était là, tout le monde était là. Espèce d'enculé, va. Voilà, bon bref, tous ces gentillesses, tous ces messages pour ton anniversaire. Oh, c'est trop gentil, ça me touche. Et j'ai envie de dire, c'est beau. J'ai envie de dire, c'est très beau. Et Polo, le roi du bipo, qui va bien nous jouer évidemment quelque chose pour les 33 ans de Toff, évidemment, un minimum quand même. Je le connais, je pouvais au moins lui faire ça comme cadeau. Alors, prêt pour le pipo pour les 33 ans. Je sors de son étui. Donc, tu fais la musique de l'anniversaire. Happy birthday to you sur cette terre-là. On y va. Allez, c'est parti. Parfait. Quel talent, n'est-ce pas, Victor ? Exactement, un grand respect. Ah ben un grand talent, exactement. Il est trop fort, ce Polo. Ouais. Et pour les Twitter addicts, là, comme tous les soirs, on va faire le top tweetos. Alors pour participer, il suffit d'envoyer tout simplement un maximum de tweets avec le hashtag MIKL. Et à la fin d'émission, on donnera le top 5 de ceux qui ont été les plus actifs. Alors hier, c'était encore Let's Be Freaks sur la première marche du podium. On va voir si ce soir, quelqu'un arrivera à la déloger. T'as Twitter, toi, ou pas, Victor ? Ouais, j'ai Twitter, mais j'utilise pas, je sais pas comment on utilise. Bravo. Bon, enfin, c'est pas compliqué, tu mets l'espèce de carré, le dièse, le hashtag, t'appelles ça comme tu veux, puis tu mets Mickaël, tu mets tes messages. Michael. Facile, tout simplement. C'est comme un texte. Ouais, non, mais je m'en fous, t'inquiète, j'ai Facebook et tout. Ouais, non, mais d'accord, mais c'est pour après, c'est pour être top tweetos éventuellement. Bah, toi, quoi qu'il en soit, si vous êtes connecté sur Twitter et que vous êtes pas encore, vous avez pas encore fait un petit follow sur l'émission, là, tapez Mickaël officiel, les amis, et je vous followerai également. Voilà, vous tapez Mickaël _ officiel sur Twitter. Et puis si vous me faites un follow, je vous ferai un follow également. Voilà, et puis au niveau du son ce soir, alors je vous cale le son de Martin Garrix. T'aimes bien toi ou pas, Victor, Martin Garrix? Ouais, franchement j'adore, et ça passe crème en soirée. T'as vu, ça passe crème, évidemment ça passe crème. Il y a Jessica Sanchez aussi là, tu connais? Jessica, c'est le nom de ma meuf. Non, c'est trop bien. Dis donc, tu racontes ta vie là, non? Franchement c'est trop ça. Bon, il y aura aussi Capital Cities, ça j'aime beaucoup. Ouais, pas mal. Ah oui, Safe and Sounds. D'accord, et puis, dis-moi ta préférée, toi. Moi, ma préférée, je serais tenté de dire Capital Cities, justement, avec Safe and Sounds. Ouais, pas mal. J'aime bien les espèces de trompettes derrière. Si ça, c'est bien. Bon, et toi, tu veux écouter un truc en particulier, Victor ? Ouais, Showtech, Booyah. Showtech avec Booyah. Bon, attends, je te le mets tout à l'heure, Showtech, je vais déjà le caler là maintenant. Où est-ce qu'il est celui-là ? Il est là, Showtech avec Booyah. Voilà, c'est bien celui-là. Hein. Eh ben parfait, très bien. Je te le mets tout à l'heure sans problème, ne bouge pas de là. Et puis j'aurai aussi des cadeaux pour vous, hein. Dernier soir, ce soir, pour tenter de choper vos casques Focal. Si vous voulez nous appeler pour faire un canular à quelqu'un, n'hésitez pas, on fera ça tout à l'heure. Vous appelez directement Sandro maintenant, 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Et on aura aussi, bien entendu, eh bien, la PlayStation 3 et le jeu Beyond Two Souls. Ce sera dans la petite colle dans quelques instants. Bon, Victor, puisque t'es là, on va parler de quoi, dis donc, ce soir? Là, on va parler du bizutage. Du bizutage. Pourquoi tu t'es fait bizuter déjà? Ouais, déjà, en internat. Ah merde! Qu'est-ce qui s'est passé? Mais je me suis fait bizuter une fois, mais les autres, on les a tous bizutés. Alors, non, mais explique, c'était quoi le bizutage? Alors, le bizutage, moi, j'étais en train de faire mes devoirs sur mon bureau. Il arrive derrière, il me prend la mousseuse, bim, dans ma queue. Oh ça va, franchement, il y a. Ouais, tu... Eh, oh mec, comment te dire qu'il y a des bizutages qui sont 100 fois pires que celui-là, hein? Attends, t'inquiète, après je te raconte. Comment on enlève les. Comment il y a un pote, on était en train de les filmer comme ça, et on lui a enlevé le semis. Il est arrivé, il s'est posé, pff, il s'est craché, on l'a fait trop faux. C'était énorme, il s'est cogné en plus. Très bien, et attends, on va parler des bizutages dans un instant, tiens, reste avec nous Victor. Est-ce que vous avez déjà eu des bizutages, vous? T'as déjà eu toi, Taf, bizutage ou pas? Moi j'ai fait les scouts, mais sinon à l'école, non, jamais. D'accord, bon, moi j'ai pas été assez longtemps. Polo? Non, j'ai jamais fait des cours. Jamais de bizutage? J'autorise le bizutage. Non, d'abord, t'aurais pu être bizuté ou faire un bizutage. Non, j'ai jamais fait ça. Au scout, t'as la totémisation, c'est pareil. Hein. Ouais, c'est vrai. T'as eu quoi, toi? Qu'est-ce que la totémisation? Totémisation, c'est quand en fait on te donne un totem pourri que tu vas. Avec un nom d'animal complètement débile. C'était quoi le dire? Moi, c'était Jabiru. Oh là là! Jabiru, la honte! Évidemment, c'est tombé sur Toff. C'était la pire, bien entendu. Mais faut qu'on mette sur le Facebook, ce que c'est un Jabiru, je pense que les gens peuvent se marrer. D'ailleurs, en parlant de scout, si vous voulez qu'on remette ce soir encore un coup l'histoire de Toff avec son calbut dégueulasse et l'histoire de sa mère pendant les scouts, pour ceux qui ont déjà entendu, si vous voulez le réécouter, hashtag Mickaël sur le Twitter. Et puis pour ceux qui ne connaissent pas et qui voudraient éventuellement, qui se demandent ce que c'est, eh ben n'hésitez pas bien sûr à nous le demander, hashtag Mickaël, ou alors par SMS au 64900 ou au 3044 depuis la Belgique. Débutez le message par Mickaël. Voilà, c'est quand même quelque chose, hein, la bête là, le Jaribou là. il est d'une laideur. Il vient de me le montrer à l'instant. Là, c'est une horreur. C'est une horreur. Une horreur. Victor, reste avec nous. On a Soraya avec nous également maintenant. Bonsoir, Soraya. Salut, salut tout le monde. Comment vas-tu? Oui, le Jaribou te salue, Soraya. Bon, on t'appelle de Saint-Etienne. Comment va la Stéphanoise? Ça va, et bon, plutôt bien aussi, hein, tranquille. Bon, alors, Soraya, on va se faire la petite colle maintenant pour que tu puisses repartir peut-être avec une PlayStation 3 et le jeu Beyond Two Souls, ou alors, ce sera peut-être un auditeur qui trouvera la bonne réponse et qui, du coup, repartira avec le cadeau. Soraya, quelle est la colle? On t'écoute. Alors, je suis plus puissant que Dieu, je suis plus méchant que le diable, le pauvre en possède, le riche en manque. Qui suis-je ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, je suis plus puissant que Dieu, je suis plus méchant que le diable, le riche en manque et le pauvre en possède, c'est ça ? Voilà, et qui suis-je ? Ouais, qui suis-je ? Oh, pas la moindre idée. Le feu ? Non. Non. Bon, en même temps, oui, non, le riche en manque, il manque pas de feu, le pauvre n'en possède pas non plus. Bon, donc je suis plus puissant que Dieu, je suis plus méchant que le diable, le riche en manque et le pauvre en possède, qui suis-je? Bon, si vous avez la bonne réponse, il y a la PlayStation 3 à gagner, la dernière, alors maniez-vous, et le jeu Beyond Two Souls, un jeu qui ne sortira que la semaine prochaine et qu'on vous offre en... L'exclusivité. Exact. Bah ça y est, putain, 5 jours après, là, ça y est, Polo s'est réveillé et donc il s'est rendu compte, là, c'est bien. Je me concentre. Non mais c'est bien, c'est bien. C'est grâce à Jabirou. Bon, bah vous envoyez Mickaël espace la réponse au 64 900 ou au 63 22 depuis la Belgique. Mickaël est la réponse au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Bonne chance. Bon bah Soraya, on va te reprendre dans un instant, d'accord? Tu restes avec nous? Oui, okay. Oui, y a pas de souci, je reste avec vous. Bouge pas de là, Soraya. Bon, et puis vous, hein, si vous voulez participer à l'émission, n'hésitez pas, il y a le prince Nadia qui dit, surtout pour ceux qui n'ont jamais entendu l'histoire de Toff, c'est du caviar. Alors Jérémy qui dit, je suis pour écouter le caleçon de Toff. Il y a Ted qui dit, j'ai pas été bizuté, mais j'ai déjà vu des bizutages. Ça craint vraiment. Lesbifreaks qui dit, oui, on veut réécouter l'anecdote de Toff. Qu'est-ce qu'il y a? Ted qui dit, le bizutage, ça craint. Je partage à tous mes collègues. Je leur dis que c'est génial. C'est Jordan qui avait envoyé le message. Il y a Lia qui dit, joyeux anniversaire à Toff. Faites bien, bisous de moi. Eh ben très bien, Lia. Et Chris qui dit, si j'ai bien compris, Toff, c'est ton anniversaire. Oui, bah, oui. C'était depuis hier, hein, dans l'absolu. Donc il reste encore 50 minutes. Et alors un message de Quentin qui dit, t'as trop du talent polo avec le pipeau. Et Requin qui dit, si vous voulez un sujet de merde, j'en ai un bon. Mon mec m'a annoncé qu'il pensait encore à son ex et qu'il se barrait à fait à Marseille. Ah oui, effectivement, bah appelle le Sandro au standard, on va en parler, tiens. 01 42 48 5000. Et Megumi qui dit, chez Mickaël aussi, on a un bizutage. Le message de bienvenue assez violent, c'est faux. Je vois pas ce que. Je ne vois pas de quoi tu parles. Ah, t'as été coupé. Espèce de petit pili de merde, va. Je ne vois vraiment pas de quoi tu parles, vraiment. Bon, visiblement, à l'unanimité, tout le monde veut réécouter l'histoire de Toff. Ouais. Oh, c'est bizarre, dis donc. Évidemment, c'est bizarre. Donc, mais l'histoire si de Toff, c'est quand il était au scout, à l'époque, quand il était petit, puis il avait une histoire avec un calbut et sa mère est arrivée dans l'histoire. Bon, je vous le passe après Martin Garrix. Si tu veux, mais je peux te raconter aussi ce qu'ils m'ont fait pour ma totémisation. Ah oui, bien sûr. On va d'abord mettre la première histoire et après tu mettras la suite. D'accord. Pour la totémisation. Puis on parlera de bizutage également là avec Antoine qui est avec nous déjà. Salut Antoine. Salut. Ça va bien ? Ça va et toi ? Bah oui, tranquillement. On va parler bizutage dans un instant avec toi. Bah ouais. Bon, t'as fait ou t'as eu ? Pardon ? Tu as fait un bizutage à quelqu'un ou tu as vécu non, un bizutage ? Je l'ai vécu. Parfait, alors ne bouge pas de là, on en parle dans un instant, juste après le son de Martin Garrix, ok ? Ouais, pas de soucis, ça marche. Bon, bah bouge pas de là, Antoine, et puis après, il faut que je vous parle aussi d'un truc qui... Oh, vous savez que demain, pour ceux qui ont suivi, je dois aller chez le dentiste. Ouais. Et j'ai vu une histoire. Oh putain. Bon, je vous explique après Martin Garrix, mais comment vous expliquer que je suis un petit peu en panique ? Légèrement, hein, mais enfin bon. Oh, il n'y a pas de raison. Moi aussi. Stéphane Radio et Martin Garrix, c'était Animal. Vous pensez avoir tout entendu? Vous vous trompez. Mickaël nos limites, 23h, 2h. Sur Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio comme tous les soirs. Allez-y, vous balancez vos messages maintenant sur Fun Radio. Vous balancez vos messages tout de suite et j'ai fait de la merde. Oui, j'ai fait de la merde. Ah. Bah je sais pas ce que j'ai foutu. J'ai posté au mauvais endroit. Bon. Bah j'ai posté le Jabirou de Toff, là je l'ai foutu au mauvais endroit, je comprends pas. Ah, c'est-à-dire tu l'as mis où? Bah sur ton mur. Alors je ne sais pas comment ça se fait que j'ai accès à ton mur. Mais c'est bizarre. C'est tu veux que je le repartage sur la page? Non bah attends, bah, je vais y arriver. On fait en direct, hein, le c'est le Jabirou de Toff, cette espèce d'oiseau, le totem en fait qu'il avait quand il était au scout. C'est un ridicule. Et ah bah mec, c'est pas que c'est ridicule, c'est que c'est une horreur. Ah ben c'est dramatique, c'est-à-dire que psychologiquement je comprends pourquoi t'as terminé comme, comme t'es aujourd'hui quoi. Non mais c'est vrai, il y a un moment c'est bizarre. C'est vrai qu'à un moment donné si on te compare à cet animal un peu bizarre. Voilà, c'est ça, c'est complètement bizarre effectivement. Ouais. Ouais. Bon voilà, ça y est, le Jabiru est sur le site, vous allez voir cette espèce de totem ridicule. Ridicule tel tof. Hein, finally, comme on dit en anglais. C'est ça. Voilà, finalement, c'est un peu ça. Bon, bah allez-y, voyez ça, donnez vos avis et dites-nous si vous avez déjà fait les scouts. Dites-nous aussi si vous avez déjà été bizuté ou si vous avez déjà vécu peut-être un bizutage. Eh bien, vous n'hésitez pas, vous nous appelez maintenant 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Alors, vous avez été nombreux à vouloir réécouter le moment où Toff était en scout, bien sûr. En scout, en mode scout et en mode calbut. Est-ce que tu as entendu quand on a parlé, quand on en a parlé, Hugo? Allô. Bonsoir Hugo, ça va bien? Ouais, ça va, ça va. Bon, t'as entendu quoi quand Toff il a raconté son histoire de scout il y a une semaine ou deux? Non, j'ai pas entendu malheureusement. Non. Parfait, bah tu vas voir. Et il y a Braun aussi qui est avec nous. Salut Braun. Allô. Braun, le fils de James. Allô. Allô. Braun. Non, pas le fils de James. Non. Comment ça va? Bien et vous? T'as entendu le moment quand on a passé, enfin quand Toff a raconté son histoire il y a une semaine ou deux? Non parce qu'en fait j'ai seulement ramené ma radio à l'internat il y a pas trop longtemps. Ah bah très bien, bah t'es à nouveau alors, bah sois le bienvenu, très bien. Bah, alors pour ceux qui n'ont pas entendu justement, alors écoutez, c'était donc l'explication de Toff quand on parlait du scout il y a deux semaines à peu près. Et bah du coup il y a eu une histoire avec un calbut et ça avait donné ça. Alors donc pour ceux qui s'en souviennent, j'ai fait les scouts. Oui, je voudrais bien savoir ce que tu vas dire. Ah bah. Et donc j'ai fait les scouts et je faisais mon premier camp scout. Ouais. T'as fait les scouts aussi toi ou pas Grâce? Ah non, pas du tout. Hein. D'accord, non, bon. Bien. Et donc tous ceux qui ont fait les scouts et qui ont fait leur premier camp vont savoir de quoi je parle. C'est que bah, y a pas de toilette. Ouais. Et donc t'as deux possibilités, soit tu chies dehors, soit tu chies dans les bois. Ouais. Soit tu chies dans l'espèce de chiotte qui a été creusée dans le sol et qui est plein de mouches et qui est dégueulasse. Quelle horreur. Soit tu chies dans ton pantalon. Oh là là, avec les mouches. Exactement. Avec les mouches et tout là. Et donc donc finalement au bout d'un moment bah, fallait que ça sorte et donc j'ai chié dans mon fut. Et donc comme je voulais. Attends, c'est pas fini, est-ce que ça c'est que le début de l'histoire? Donc je chie dans mon fut et comme je voulais pas le dire, machin, je voulais pas le montrer, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon caleçon et je l'ai bazardé dans la forêt. Oh, ouais. Je me souviens, c'était la honte, moi-même j'avais honte, hein, c'est pour vous dire. Attends, maman. J'avais honte de mon fiche. Et donc à la fin du camp, donc il y a le rassemblement. Attends une seconde, hein. T'es pas saoulé là. Voilà. Non, j'en avais plein le cul là, cette mouche, elle m'a saoulé là. Donc à la fin du camp, il y a le rassemblement où t'as tous les chefs qui remettent celui qui a été le meilleur. Oh putain, et nous voilà. Ah merde. Bon, vas-y, continue, tant pis. Donc celui qui a été le meilleur, celui qui a fait les meilleures constructions, machin, etc. Et tout à la fin, ils font tous le tour des objets trouvés. Ouais. Et donc dans les objets trouvés, il y a un mec qui finit par sortir mon ce caleçon plein de merde. Bien sûr, la merde bien sèche puisque ça a traîné. Ouais. Donc le caleçon plein de merde qui a dû traîner mais genre pendant une semaine dans les bois, tu vois. Oui, je me souviens. Et donc moi j'avais très bien reconnu le caleçon. Et donc je fais semblant que je sais pas à qui il est, tu vois. Oh, c'est ouf. Je fais non, je sais pas à qui il est. Et là ma mère qui est venue me chercher. Et là il y avait la petite étiquette que tu sais qu'il y avait sa mère avait cousu avec marqué Christophe. Et donc mais j'avais chié dessus donc elle se voyait plus. Et donc là ma mère, qu'est-ce qu'elle trouve? Elle trouve rien de mieux à faire que dire oh mais c'est à mon fils. Voilà l'histoire, donc vous avez vu, il n'y a pas de quoi être fier. Hein. Ça vous est arrivé aussi Hugo et Braun, là, vous avez fait les scouts ou pas vous? Non, moi j'ai pas fait les scouts moi. D'accord, ok. Bon alors du coup, alors avant de parler du sujet de Victor, là, le bizutage, la suite de l'histoire, Toff avec ton totem pourri là qui est sur le Facebook donc, actuellement, donc... allez voir hein, facebook.com/MIKL officiel, cette espèce d'horreur de totem. Et donc quand tu fais ta totemisation, t'as une espèce de parcours. Tu m'excuses mais j'ai oublié la musique. Je t'en fais. Voilà. Appelle-nous voilà. Totemisation. Oui. Bah c'est quand au scout, c'est quand tu reçois ton nom de scout. D'accord. Oui, c'est vrai. Et donc là dans les trucs que moi j'ai dû faire, en fait, il m'avait préparé une merde. Mais qu'il n'était pas une... En fait... Arrête. Mais qu'est-ce que t'as avec les merdes? T'as un problème avec ça? Non, c'est-à-dire qu'en fait... Est-ce qu'on t'en parle de merde? Non, en fait, c'est... Mais parce que c'était rapport à ce truc-là, parce que donc eux, ils s'en souvenaient. Donc, parce que c'est les scouts, donc c'est la même chose, c'est la suite, c'est juste que c'est juste 10 ans après. Oh putain... Et 6 ans après. À peu près, ouais, 6-7 ans après. Et donc ce qu'ils m'ont fait, c'est qu'ils m'ont préparé en fait une espèce de merde qu'ils avaient fait avec, avec du spéculoos et des machins. Donc ça a l'aspect d'une merde visuellement, mais quand tu le manges, ça n'a pas la... Ça quelle pas horreur. Et donc en fait, les mecs, ils me l'ont fait bouffer. Ah ouais. Et donc, le truc, c'est que quand tu le reçois avec les mecs, ils te disent bon voilà, faut que tu manges le truc. T'es, en plus, ils me l'ont bien présenté dans du PQ, machin, comme s'ils l'avaient chié juste avant. Et il fallait que je mange ça à la petite cuillère. Oh, et donc jusqu'au moment où je l'ai mis en bouche vraiment, t'as cru que c'est la merde. J'allais bouffer de la merde quoi. Quelle heure. Et moi je serais parti hein. J'aurais dit vous faire foutre avec votre bisutage pourri là, vous êtes fous quoi. Voilà. N'importe quoi. Et comme quoi on voit pourquoi c'est devenu un con hein, qui a une case en moins dans sa tête. Voilà, tout est expliqué maintenant, c'est ça l'avantage. Bon Victor, avec ton bisutage, toi, il y avait Antoine qui était avec nous également là, de Valence. Salut Antoine, enfin re-salut Antoine. Ouais. Salut. Bon, alors Antoine, toi tu voulais réagir aussi par rapport au bisutage. Il y a plein de messages qui sont arrivés. Il y a Jérémy qui dit vous m'avez tué avec son histoire. Il y a Kawet qui dit pété de rire, j'adore cette histoire. Celle de Troyes qui dit aussi elle est énorme l'histoire de Toff. Qu'est-ce qu'il y a également GTR 5UT, elle est trop bonne son histoire. Et Clara qui dit elle était cool l'enfance de Toff. Hein. Ouais. Mais oui, j'étais plutôt sympa. Et Ted qui dit Toff, t'es un gros porc, tu me dégoûtes. Cyril qui dit on a bisuté notre voisin de chambre en pension en lui faisant pipi dessus. Il y a Mickaël qui dit Mickaël, lance un saut de merde sur la tête de Toff. Ah désolé, je n'ai pas ça en stock, le saut de merde. Hein. Et puis le procédé qui dit Toff, son histoire était magique. Et alors Cisco qui dit bisutage d'internat, mettre du médoc pour chier quand on est constipé dans du coca et filer la taille à un mec la nuit aux chiottes, dodo sur les WC, c'est bien bien drôle. Oui, bah ça dépend pour qui évidemment. Hein. Et puis Tony qui dit Mickaël déjà en top tweet. Oh des vrais déjà, putain, merci à vous en tout cas. Bon Antoine, alors c'est quoi ton histoire? Bah alors moi, mon histoire, c'est que, en fait, mes copains et tout, enfin mes collègues, quand je suis en soirée et tout, vu que on est tout le temps, en fait, bourré et tout, et ben, le truc, c'est qu'ils me bisutent, en fait, genre, ils m'attachent sur une chaise, ou autour d'un arbre et tout, puis après, ils vont me faire des crosses, en fait, ils mettent des bifs et tout. Hey, ils sont sympas, tes potes. Wow, ouais, c'est des cons un peu. Bon. Ah oui, ils sont un peu cons, effectivement. Ouais. Bah oui. Bah ouais, oui, mais ça s'appelle du bisutage, c'est le principe en même temps. Hein. Ouais, c'est du bisutage, ouais, voilà. Mais ça va, t'as fini maintenant avec les bisutages? Bah, pas trop. Enfin, ah, mais alors t'es la tête de Turc, hein, c'est pas du bisutage. Ah oui. Bah, je suis sexuel. Normalement, le bisutage, en fait, c'est les nouveaux, tu vois, c'est quand t'arrives, on te fait un bisutage. Ouais. C'est ça, c'est les nouveaux, mais une fois que tu l'as fait ton bisutage, après c'est bon, hein, tu passes dans les anciens et l'affaire est pliée. Bah oui. Là, t'es le con, ouais, là. T'es le con de service, là. Bah non, pourtant, non. Non, bah écoute, je sais pas. Attends, on va demander à Hugo également, qui est avec nous, le Samalo. Salut, Hugo. Ouais, salut. Comment ça va? Bah bien, et vous? Bah tranquille, t'as passé une bonne journée, Hugo? Ouais, tranquille. Bah là, on est en soirée étudiante, là, tranquille. Ah, parfait, donc en plein bisutage, ou pas encore? Bah, non, pas encore. Moi, c'était à propos de mon équipe de basket. Ah, d'accord, ok. Alors, vas-y, explique. Bah en fait, donc c'était ma première année de senior, donc je jouais avec des vieux quoi. Ouais. Et après le match, j'ai fait soirée, donc on a bien vu et tout. Et puis bah le lendemain matin, je me suis retrouvé avec de la bande à épiler sur tout le corps en fait. Oh putain, ça j'ai déjà eu, je peux dire, ça fait très mal. Bah ouais, donc du coup, pour le renlever après, mon pote... Mais figure-toi qu'après avoir bien souffert, j'ai trouvé la solution. Mettre par exemple de l'huile d'olive ou de l'huile n'importe quoi. Tu mets ça et en fait, ça part tout seul. Bon, après, il faut avoir l'huile sous la main. Mais au moins, tu n'es pas obligé de tout arracher. Mettre de l'huile d'olive, ouais, c'est vrai. Bon, du coup, j'étais imberbe pendant plusieurs semaines, quoi. Bah ouais, non, mais c'est ça. Mais le problème n'est pas forcément d'être imberbe. Le problème, c'est que ça fait un mal de chien, quoi. Ouais, non, mais c'était une horreur. En plus, le matin, t'imagines, dès le matin, après avoir pris une petite chauffe. Voilà quoi, ça réveille bien. Ah oui, ça réveille pas mal. Putain, ça peut être un bon plan, ça. Il faudrait faire ça à Toff pour essayer. Mais non, faut faire ça à Toff carrément. Moi, c'est vrai, j'ai pas de poils, ça marche pas. Bon, arrête, on suit de mots, t'as pas de poils. Non, j'ai pas de poils. Regarde. Genre rien de rien. Bah, quasiment rien, regarde, j'ai trois malheureux poils. Ouais, mais sur les jambes et dans le fion, tout ça, il y a des poils là. Dans le fion. Dans le fion, je n'en ai plus. Mat Pokora, Mat Rien que sur le torse. Ouais, rien que sur le torse, ça peut faire effectivement relativement mal, ouais, c'est clair. Attends, il y a Bron aussi dans quelques instants qu'on va prendre. Tu restes avec nous, Bron, on te reprend dans 5 minutes. Ok. Bon parfait, bouge pas. Ah bah ça tombe bien, Bron, épilation. Bah t'as vu un peu transition quand même au taquet. Bon et puis je sais pas si vous vous souvenez, mais la semaine dernière je vous avais dit que je devais aller chez le dentiste parce que j'ai un problème, je saigne des gencives pardon. Et puis mon ancien dentiste m'avait dit qu'il fallait faire décoller les gencives pour aller faire une espèce de détartrage. Bref, il fallait faire des piqûres dans le palais. Bref, c'est une angoisse. Et donc je dois y aller demain. Et je suis tombé sur une info qui dit que Julie, 20 ans, meurt après une extraction de dents. Ah bah C'était bien. Donc, comment vous dire, je suis un petit peu en flip total. Non, mais t'inquiète, c'est un cas sur combien? C'est un cas sur combien? Un cas sur, j'en sais pas moi, mais. Donc, tu vois, donc comme le cas est passé, t'as pas de risque. Ouais, mais quand même. Déjà le bruit de la fraise là. Bon, ça me dérange pas le dentiste encore. Hein. Bon, qui a peur du dentiste, Victor, Antoine? Ouais. Non, ça va. Oh, ça va. Bon, dites-moi hein, si vous avez des conseils éventuellement. Si vous êtes dentiste, c'est vrai qu'on en avait parlé hier, il y a une ou deux semaines en fin d'émission. Donc, si vous êtes dentiste, n'hésitez pas à m'appeler. Je voudrais savoir si le dentiste qui m'a dit qu'il fallait faire décoller les gencives se foutait de ma gueule ou il essaie de se faire de l'oseille sur mon dos. Un peu des deux. Ou il faut le faire. Donc, voilà. Nickel. Donc, voilà. Oui. J'ai un conseil, prends du Viagra. Bah, je vois pas le rapport avec le dentiste. Si c'est une dentiste. Ah oui, ouais. Non mais j'ai pas besoin, si c'est une dentiste, t'inquiète pas. Mais par contre, pas de bol, c'est un mec, donc t'emmerde pas, c'est un garçon. C'est un garçon, pas de chance, Victor. Ah merde. Et encore une fois, si c'était une fille et qu'en plus c'était bonne, je n'aurais pas besoin de la petite pilule bleue, à mon avis. Ah d'accord. Bon, Victor, reste avec nous. Antoine, bah pareil, Hugo aussi. On aura Colline dans un instant, on aura Braun pour parler justement du bizutage. Est-ce que vous vous êtes déjà fait bizuter? Bah on en parle dans quelques minutes sur Fun Radio. Et puis au cœur d'une heure sans pub sur Fun Radio, on va se mettre le son d'Avicii maintenant, You Make Me. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Pouvoir passer les appels ce soir. Ah. J'ai trouvé une idée. Oh. On en parle après Avicii. You Make Me, c'est au cœur d'une heure sans pub. C'est Mickaël No Limit sur Fun. Bienvenue. We are one. Fun 3h, 2h. Mickaël. Mickaël. Comme ta gueule, les polars. No Limit. Sur Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio tous les soirs. Il est 23h30. On est au cœur d'une heure sans pub. Et puis, eh bien, nous mettrons également la nuit sans pub juste après. Entre minuit et 2h du mat, on sera tranquille. On aura l'occasion aussi de vous offrir des cadeaux avec notamment Soraya qui est avec nous. Soraya, tu es encore là? Oui, oui. Bon, tant mieux. Nous allons refaire un petit coup là maintenant, la petite colle de ce soir, Soraya, pour peut-être repartir avec la PlayStation 3 et le jeu Beyond Two Souls, qui ne sortira que la semaine prochaine. On vous offre donc ce jeu en... Exclusivité, bien sûr. Bon, alors, vas-y, on t'écoute, Soraya. Fais péter. Alors, je suis plus puissant que Dieu, je suis plus méchant que le diable, le pauvre en possède, le riche en manque. Qui suis-je? Très bien. Bon, alors, je répète un petit coup, là. Je suis plus puissant que Dieu, je suis plus méchant que le diable, le riche en manque et le pauvre en possède, c'est ça? Voilà. Bon, si vous voulez gagner donc votre PlayStation 3 avec le jeu Beyond Two Souls, qui est donc à gagner, vous envoyez simplement maintenant Mickaël espace la réponse par SMS au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Alors, il y avait des messages, il y avait des propositions, il y a Valentin qui dit c'est l'âme. Non. Non, l'intelligence. Non. L'espoir. Non. L'argent. Non. La misère. Non. Le courage. Non. Il y a Alexandre qui proposait l'amour. Non. Tu sais dire autre chose ou pas? Non. Oui. Ah bon, non mais d'accord. Non, mais c'était parce qu'à un moment je me suis dit peut-être qu'elle est bloquée, on a peut-être donné la bonne réponse, je sais pas. Bon, si vous avez la bonne réponse, donc vous envoyez Mickaël espace la réponse au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Je répète, je suis plus puissant que Dieu, je suis plus méchant que le diable, le riche en manque et le pauvre en possède. Qui suis-je? Je vous souhaite bonne chance. Vous pouvez bien sûr aussi vous inscrire si vous le souhaitez via le Facebook de l'émission, facebook.com/ Et Mickaël officiel. Voilà, on donnera la réponse tout à l'heure avant minuit 30. Soraya, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Parfait, ne bouge pas de là, Soraya. Bon, et puis Tof, bonne nouvelle. Hier, on parlait des rencontres. Non, pas du tout. Oui, on en parlera tout à l'heure aussi, des rencontres au travail, justement. Et puis là, je suis tombé sur une petite information qui allait certainement te redonner le sourire. C'est qu'apparemment, alors ce matin, je suis tombé sur un sondage qui dit que 50% des gens ont déjà eu des relations sexuelles sur leur lieu de travail. Oui, ça ne m'étonne pas. Ça ne t'étonne pas. Toi en premier. Bien sûr. Est-ce que tu as déjà testé ici à Fun? Non, pas encore. Ah, pas encore. Pas encore, mais ça ne saurait tarder. Je t'interdis de toucher à mon bureau. Mais il va le faire exprès sur ton bureau, juste pour t'emmerder. Parce que si jamais il y a une trace. Mais il va nettoyer derrière, mais pas psychologiquement, il saura qu'il aura niqué sur ton bureau. Tu connais ce porc, jamais. Ouais, je sais, ouais. Non, donc, mais t'inquiète, je le ferai sur chaque bureau. Ah, génial. Bon, venez nous dire si ça vous est déjà arrivé, justement. Alors, Tof, je propose que tu appelles des gens pour voir si ça leur est déjà arrivé. Bien sûr. Ça me paraît un bon plan. Avec plaisir. Bah très bien. Si vous avez des numéros de téléphone à nous donner pour qu'on puisse appeler tous ces gens justement en direct ce soir, n'hésitez pas. Eh bien vous appelez tout simplement Sandro maintenant, 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Ça marche aussi par le mail sandro@funradio.fr. Donc on cherche des gens évidemment encore debout à cette heure-ci pour qu'on puisse, enfin debout tard en règle générale, pour qu'on puisse les appeler et de préférence un petit peu sanguin pour voir s'ils ont déjà eu l'occasion de niquer sur leur lieu de travail. Donc venez nous donner les numéros, on fait les appels dans quelques minutes. Thomas qui a envoyé un message trop marrant, l'histoire de Tuff. Non, de Tuff, pardon, T-U-F-F. Moi, je conseille de rester très calme car je me suis fait opérer du frein et ça s'est bien passé. Ah bah, très bien. Bon, il y a Emeline qui dit Mickaël, viens chez moi, il y a de l'orage, j'ai peur. Oh, mais Emeline, t'inquiète. L'orage, on s'en fout, c'est rien, les orages. On lui éclate la gueule à coups de pelle. Mais bien sûr, regarde. Regarde, regarde. Bon, là, il y a de l'orage. Hop, là, il y a toujours de l'orage. On est en voiture, on est bien là. Ah non, on est toujours bien. On alors, est pépère, tranquille. Voilà. Et là, je décide de gérer l'orage. T'es trop fort, Mickaël. T'es trop fort. Plus d'orage. Voilà. Terminé. Qu'est-ce donc voilà. Voilà, j'espère, Emeline, que ça t'a rassuré et que maintenant tu n'as plus peur. Voilà, si je peux rendre service, c'est toujours avec plaisir. Cisco qui dit pour le canular, il y a moyen d'en faire un à Madarone, pété de rire. Oui, bah écoute, avec plaisir, Cisco, là. Eh bah, appelle le standard, appelle Sandro 01 42 48 5000 ou pour la Belgique 02 851 4x0. Jean-Philippe qui dit, moi je l'ai vu, j'ai vu un mec qui faisait l'amour dans les toilettes avec la secrétaire. Ah, sympa. Et Ted qui dit, j'ai jamais fait au boulot, mais dans les chiottes du lycée, en revanche, ça oui. Et Clem qui dit, mon dentiste s'appelle Monsieur Lacrotte. Mais sinon il est gentil hein, mais il m'a dit que j'avais une petite bouche. D'accord, ok, merci Clem pour l'information. Mais moi c'est surtout pour savoir si j'étais obligé d'aller faire l'opération. Mais a priori à la radio il y a pas mal de gens qui doivent le faire aussi. Parce que si vous allez dans les toilettes, donc à l'étage d'en dessous, ouais, y a, t'as un panneau qui est écrit que les toilettes sont individuelles. Non, si. Ah c'est bon ça. Ah tu vas en dessous, moi je vais, ah ouais, dans, moi je vais au-dessus, moi je vais à la direction trop, ouais, voilà. Moi j'ose pas. Ouais, il y a Alexandre qui dit aussi je suis l'émission depuis longtemps et j'ai pas encore eu mon coucou. Ah bah avec plaisir Alexandre. Alors attends, je vais te le mettre, tu vas voir ça. Bienvenue à toi Alexandre. Faire un cul au PD, va. Voilà Alexandre, c'était ton petit message de bienvenue. Et puis c'est le 23 qui dit je vais essayer de rester jusqu'au bout. Un petit coup de pelle pour ne pas dormir, avec plaisir également. Voilà, c'est tout ce que tu méritais également. Bon, alors retour avec Soraya dans un instant, retour également avec Victor et son bizutage. Oui. Et puis on a également Braun avec nous, la des Vosges. Salut Braun. Ouais, bonsoir. Comment vas-tu? Bien et vous? Tranquillement, Braun. Bon, dentiste, toi tu vas souvent, enfin au moins une fois par an ou jamais? Hein, comment? Je dis le dentiste, tu y vas souvent toi ou jamais? Enfin, genre une fois par an. Mais moi j'ai jamais de problème. Bon bah t'as de la chance. Mais j'en avais pas non plus là, c'est juste maintenant qu'il. Mais j'hésite, je me demande si mon dentiste se fout pas de ma gueule parce qu'il m'a envoyé chez un collègue à lui, genre il pouvait pas le faire lui. Ouais. Un truc spécialisé, tu vois, genre bien cher. Mmh. Et je me dis quand même c'est bizarre. Donc je vais quand même aller en voir un second. Si le second me dit la même chose, j'irai voir un troisième jusqu'à ce qu'il y en ait un qui me dise qu'il faut pas le faire. Ouais. Et puis celui-là aura raison. Et celui-là évidemment aura raison, bien entendu, ça tombe sur le sens. Bon, Braun, alors toi tu voulais réagir au bizutage, qu'est-ce qui t'est arrivé ou qu'est-ce que tu as fait? Ah bah moi je suis un pro de la cathédrale ou du tsunami ou du film plastique sur le pissoir quand on va aux toilettes. Ah oh, c'est bon ça. Ah c'est pas mal, c'est pas mal. Mais alors concrètement c'est-à-dire parce que le film plastique je vois comment ça marche, mais tsunami tout ça c'est quoi? Alors tsunami et cathédrale c'est deux trucs à peu près pareil. En fait c'est quand les gens dorment comme celui qui est juste en face qui me tente envie de lui faire. Ouais. En fait, c'est juste de prendre le lit au bout au niveau de ses pieds et de le lever. Oh, à la verticale. Oh, c'est bon ça. Et le tsunami, c'est dans l'autre sens en fait. Le plus drôle, c'est de l'envoyer le plus fort possible contre le mur. Comme ça, après, on tire un peu le lit, il retombe par terre, on lui jette le lit sur la gueule. Mais toi, t'es complètement pas fini, Braun. J'adore, je vais le faire à Tuff. Oh bah oui, quand on va aller à Prague. On va te défoncer. Ah ouais, parce qu'on va faire un week-end à Prague dans deux semaines, ouais, avec Tuff et avec Polo. On va faire un week-end d'intégration. Et ouais. Team building. Exactement, ouais. Ah bah on va penser à toi, Braun. Et alors, donc le film plastique sur les chiottes, c'est quoi? Tu mets un film plastique, le mec il pisse et tout lui ouvre la gueule, quoi. Non, en fait, j'ai un pote, enfin, j'ai fait ça à un pote, il a bien pris, il a kiffé, quoi, enfin, juste le fait de se laver les pieds. Mais en fait, tu mets juste un petit parce que tu tombes par terre, quoi, c'est ça, ouais. Bah, en fait, ça rebondit et il avait tout sur les pieds. Ah, oh, la c'est nickel, dès le matin, dès que t'as la tête dans le cul, alors là, ouais, c'est royal. Bah oui. Mais non, mais bien sûr, mais t'as raison, évidemment. C'est un très bon plan. Il y avait Colline également, là, de Bourgoin, dans l'Isère. Salut, Colline. Je pourrais faire une petite dédicace. Hello. Ouais, attends, bouge pas, Braun. Colline, comment vas-tu? Bien, toi. Bon, tant mieux. Alors, Colline, sois la bienvenue. Tu voulais aussi, toi, réagir par rapport au bizutage? Ouais, mais avant, je peux avoir mon coup de bienvenue, s'il te plaît. Tu peux avoir quoi, tu dis? Mon coup de bienvenue, s'il bien te sûr, plaît. Évidemment, et surtout demander comme ça, il n'y a pas de problème. Alors, eh bien, ton petit bienvenue, ce sera ça? Va te faire enculer maintenant. Voilà. C'est sympa, Colline, tu vois, hein, tranquille, bon accueil, tranquille, tu vois, c'est ça, Fun Radio. J'ai une question. Mais oui, t'as vu en plus. Est-ce que je peux me permettre, Colline, un truc? Dis-moi. Oui. Comment ça se fait que vous appelez toute Colline maintenant? C'est quoi? Ça vient de genre, c'est la seconde. Non, mais il y en a plein, ouais, non Colline, hein. Non, mais je me doute que tu t'es... De quoi, Brune? Ah non. Qu'est-ce que tu racontes? En fait, non. J'ai un copain, sa copine s'appelle Colline, mais c'est une vraie conne. Merci Ron pour cette information intéressante. Je suis désolé pour l'autre auditrice. C'est pas grave. Non, on imagine bien. Bon, Colline, alors toi, c'est quoi ton histoire par rapport au bizutage? Alors moi, étant petite, j'étais une petite peste avec mes frères. Ouais. Je les ai tellement chiés qu'à force, ils en avaient marre. Et une fois, ils m'ont pris, ils m'ont attaché sur la chaise, ils ont pris ma corde à sauter, ils m'ont attaché, ils m'ont laissé toute la journée comme ça. Et après, ça arrivait comme ça tout le temps, tous les trois jours à peu près. Ouais, mais en même temps, c'est que tu les as vraiment fait chier. Hein. Oui, aussi. Ah, tu vois, c'est que tu les as vraiment fait chier, sinon ils auraient pas fait ça, tu penses bien. Les garçons sont gentils. Mais oui. Avec leur sœur, oui, évidemment. Bien sûr. Mais bien sûr, attends, ils on est des crèmes, jamais, tu rigoles ou quoi? Des amours. Mais c'est oui, moi. Avec eux, mais voilà, moi j'ai toujours été au top avec ma sœur, il y a juste ma sœur qui était une merde avec moi. Ça a été une horreur tout ça parce qu'elle était plus grande, je me faisais maltraiter, frapper, tout ça. Ouais, c'est vrai, tu c'est vrai. Jamais. Ouais. Il y a marqué honnête sur ma tête, regarde. Mais ah oui, c'est vrai. Il y a marqué honnête. Voilà, honnête, gentil, agréable. Pas fouteur de merde, bref, tout est indiqué quoi. Le best, c'est exact, toi. Exact, bah, voilà, écoute, je suis content que tu le dises. Oui. Je suis content que tu le dises. Et du coup, Colline? Du coup, quoi? Bah, tu y as vengeance ou pas? Ah oui, beaucoup. Ah, parfait. Ouais, bon, okay. Bah alors bouge pas, Colline, tu vas nous expliquer ça dans un instant. Victor, reste avec nous. Et puis, si vous avez déjà été aussi bizutage, alors quand on dit bizutage, ça peut être aussi avec les frères et les sœurs. Hein, tu sais, les pires trucs que vous avez fait entre frères et sœurs. Là, vous nous appelez maintenant pour en parler. 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Tu voulais faire un bonjour, Brown? Vas-y. Une personne, comme d'hab, on t'écoute. Une personne, je fais un gros bisou à ma petite blonde qui m'écoute et puis j'essaie d'en profiter pour te placer pour tout le lycée Georges Beaumont de voilà. Des Vosges. Comme ça, deux personnes. Bon, on embrasse tout le monde au lycée Georges Beaumont, pas de problème. Salut Brown, passe une bonne soirée. Et j'ai la réponse en plus, je pourrais avoir un pack fun. Eh ben non. Ah oui, le pack fun, ça tu vas gérer ça avec Sandro, je te la repasse. Parce que normalement j'aurais dû l'avoir la dernière fois. Hein. C'est vrai. Mais ça, il faut être tiré au sort, Brown. Qu'est-ce que je te dise, moi? C'est comme ça, c'est la règle. Bon, Brown, je te repasse Sandro. Hugo, Antoine, passez une bonne soirée tous les deux également. Merci d'être passé. Merci. Et bon, à Valentin de la mort de Zou. Attendez, chacun son tour. Qu'est-ce qu'il y a, Antoine? C'est possible de passer une dédicace? Allez, vas-y, il y a une personne en speed. Bon, je passe une dédicace à quand même mes collègues les connards. Très bien. C'est tout, une seule personne. Et que demain, c'est leur soir. D'accord, ils vont prendre cher, c'est ça que tu veux le dire? Voilà, ouais. Parfait, n'hésite pas à nous rappeler dimanche soir pour nous expliquer, il n'y a pas de problème. Hugo, merci à toi d'être passé. De rien à vous, merci à vous. Eh ben merci à toi, tu reviens quand tu veux, surtout ne bouge pas de là. Et puis nous on va revenir aussi avec les appels de Toff. On va revenir également avec la colle, avec les teubés également. Et puis avec le son de Jessica Sanchez sur Fun Radio, ce sera dans quelques minutes. Jessica Sanchez avec Tonight. Il y en a un seul qui fait une vanne à propos des chaises et ça va très mal se passer. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Non mais je vous connais. Je vous connais avec votre histoire. Sanchez, je vous connais. Tu prends un tabouret. Mickaël, limite. Allez vous faire foutre, espèce de tête de con. Tous les soirs, 23h, 2h, sur Fun Radio. Fun Radio. Et on est en direct évidemment sur Fun Radio comme tous les soirs. Vous lâchez évidemment tous vos messages maintenant. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 si vous voulez prendre le contrôle de Fun. Allez-y, n'hésitez pas. Il y a Laure Blanc qui a envoyé un message sur le Twitter qui dit un petit bienvenue pour fêter ma première semaine d'écoute là. Big Bad Wolf de Duck Sauce, s'il te plaît. Le carolo pour lui. Eh ben de quoi? On n'a pas le carolo. On a le carolo. Bah oui, attends, on va te mettre un petit message de bienvenue. Tiens, un petit message de bienvenue. Ta gueule, connard. Voilà, tout ça. Simplement, bienvenue à toi Laure Blanc, je vais essayer de te le passer le Doxos tout à l'heure. Let's be freaks, on fera l'amour sur tous les bureaux ensemble, Toff, si tu veux. Mais bien sûr, avec plaisir. Voilà, Ludo Kini, tu n'as plus besoin d'aller chez le dentiste. Au pays, reviens chez moi, j'ai une perceuse. Merci Ludo, ça va aller, t'inquiète pas. Nico qui dit le lit en cathédrale, on me l'a fait, ça surprend, mais ma vengeance était pas mal non plus. Explique-nous, Nico, la vengeance là. Et Prisca qui dit, moi depuis une semaine, je vous suis, je vous kiffe. Merci Prisca, sois la bienvenue en tout cas. Et n'oublie pas de prévenir tes copains, tes copines, qu'on est là tous tous les soirs évidemment de 23h à 2h du matin, du lundi au jeudi, et puis le dimanche soir également entre 20h et minuit sur Fun Radio. On va reparler du sexe au travail dans un instant. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de faire l'amour avec peut-être votre femme, votre copain, votre copine, votre maîtresse? Les inconnus. Voilà, au travail ou au bahut, hein, après ça marche dans les deux sens. N'hésitez pas, vous nous appelez également 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. On revient aussi avec Soraya dans un instant et la colle de ce soir. Et puis on écoute maintenant le son de Jessica Sanchez sur Fun Radio avec Tonight. Il est 23h47, il n'y a plus de pub maintenant jusqu'à la fin de l'émission. Profitez-en bien. C'est Mickaël No Limit, on est en direct sur Fun Radio. Venez nous rejoindre également avec le hashtag MIKL sur Twitter. C'était Jessica Sanchez sur Fun avec Tonight. Elle va te faire enculer au clochard. Fun Radio. Mickaël No Limit. C'est tous les soirs, 23h, 2h. Sur Fun Radio. Ouais, et il y a des messages, il y a Mike notamment qui dit l'amour dans le congélateur du resto. Ah ouais, sympa Mike, faut pas rester coincé en revanche. Il y a Requin qui dit moi j'ai fait l'amour avec mon mec qui est gendarme pendant son service. Ça aussi c'est sympa, c'est bien la police. Hein? On voit que ça bosse. S'il vous plaît, que des cochons dans la police. Ben oui. Nous vous mettons en liaison avec la police ou la gendarmerie nationale. Ah bah ils peuvent pas, ils sont en train de baiser. Il y a May aussi qui dit regarde le film d'horreur Le Dentiste, ça va peut-être te rassurer, te décoller les gencives, tu veux ressembler à un cheval. Bah écoute, je sais pas, moi c'est le dentiste qui m'a dit ça, donc j'espère qu'il se trompe. Il y a Jules Bob qui dit la bite au cirage à l'armée. Ah sympa ça aussi ça. Christophe qui dit aussi salut l'équipe, Toff le policier, lol j'ai vu avec les collègues, on passera un soir pour mettre les menottes à Toff. Ah je te jure qu'on va venir. Allez, je compte sur toi Christophe. Tu prendras des photos, nous on mettra des cagoules, discrétion oblige évidemment. Ouais mais ça fait braqueur en revanche ça si tu mets des cagoules. Enfin moi je veux bien. Si ça te tente un soir, contacte-moi plus les amis. Avec plaisir Christophe, on t'attend avec impatience. Surtout si tu peux venir avec une petite fliquette évidemment. Évidemment. Hein. Parce que Toff il a envie de se faire mettre les menottes par une petite fliquette, hein, par un mec. Il n'y a pas que les menottes qui veut se faire mettre. Oui, évidemment. Elle et pourra dit, tout me mettre. Ouais, les bizutages sont souvent dans les grandes écoles ou écoles privées, les pires, le commerce et les médecine. Ah oui, médecine. Ah oui, à mon avis, ouais. Et alors, Ben qui dit changer de pote, les mecs, c'est pas une mauvaise idée également. Retour avec Victor dans quelques instants. Et puis, on en parlait justement. On en parlait, on va le faire maintenant qu'on est tombé sur un sondage qui dit que apparemment, eh bien, beaucoup, 47% je crois, font l'amour au travail. Oui, c'est ça. Pas mal quand même. Hein. Bah, c'est pas mal, effectivement, ouais. Donc, du coup, on va essayer d'appeler quelqu'un là pour voir si c'est le cas chez le même cas chez tout le monde. Est-ce que vous avez déjà fait l'amour au travail, justement? Attends, on a Jérôme là qui est un auditeur qui est venu. Ah, bah, du coup, pour l'anniversaire de Toff, il lui a ramené un petit gâteau et des M&M's. Des M&M's, il est top. Un kilo des M&M's. Je suis en pleine forme. Ah, dis donc, merci Jérôme pour. Ah, bah, y a pas de quoi, hein. Non, mais c'est gentil, vraiment. Tu viens d'où, toi? Tu viens de Paris? Tu viens d'où? Bah, en fait. Bah oui ou non. Non, je viens de Noisy-le-Sec dans le 93, mais à la base je suis de Strasbourg. Il y avait un petit accent là, effectivement. Il y avait un petit accent effectivement. Tout à fait. Bon, en tout cas merci. Toff est content. Il a son petit cadeau, son petit gâteau là, son M&M's. C'est parfait. Merci. Voilà, beaucoup. Ouais. Ah bah il y a pas de quoi. Et puis Sandro qui va aller bouffer les M&M's également. Non, pas du tout, je tiens. Arrête ton cinéma, tu vas bouffer dans un instant. Mais oui, craque. Allez, Sandro, Sandro, Sandro, Sandro. Sandro, t'as fait lui un M&M's dans la bouche. Okay. Non, regarde. Non, mais arrête, ça se fait pas. Je galère déjà. N'oublie pas qu'il y a du marbré aussi. Non, hein. Arrête, tu arrêtes pas de manger regarde. Comme une vache. Arrête, enlève. Ah là, il est là. Oh. Non. La pauvre. Non, c'est bien. Mais parce que mon cerveau dit oui, mais mon corps dit non. Eh ouais, c'est ça. Ouais. Enfin, mon cul dit non. Ouais. Bon, voilà, les M&M's sont au standard à côté bon de Sandro. On va voir comment ça va se passer. Bon, Toff, allez hop, oui, sois prêt, on va appeler maintenant, on va vérifier comment ça se passe au niveau de au niveau des gens, hein, les numéros que vous nous aviez envoyés. Alors ceux qui nous ont envoyé hier, ceux d'aujourd'hui, on les garde tous. 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Eh ben des gens tout simplement qui sont encore debout à cette heure-ci pour vérifier ce sondage, est-ce qu'ils ont déjà fait l'amour au travail, on y va? Allons-y, je suis prêt moi. Allez, bah c'est parti, on y va, premier appel ce soir, c'est parti. Il offre un petit canular aussi dans un instant là. Allez. Allô? Oui, allô, bonsoir madame. Oui, bonsoir madame. Qui c'est? Moi c'est Toff. Mais à cette heure-ci ça va pas, non? Mais si, ça va très bien, et vous? Mais moi je vous connais pas. Qui non, mais je vous appelais pour vous poser une question, en fait, je voulais savoir. Non, il est trop tard, j'ai pas envie de poser qu'on me pose des questions à cette heure-ci. Hein. Mais vous allez voir, elle est très facile. Mais il n'y a pas de facile. Si, si, je vous assure. Allô? Ah non, elle est partie, Toff. Ouais. Bon, on va rappeler un petit coup. On rappelle. Bah oui, on rappelle encore un petit coup. Elle a l'air gentille, mais elle a pas tout compris au problème. Enfin, la question, il n'y a pas de problème dans l'absolu. Allez, hop. Oui. Allô. Oui, excusez-moi, mais je n'ai pas le temps de vous poser la question. Mais j'ai pas de, vous n'avez pas de question à me poser. À cette heure-ci, vous n'avez pas appelé. Mais si, en fait, je voulais vous demander si vous aviez déjà eu des rapports sexuels sur votre lieu de travail. Oh, écoutez, vous m'énervez, hein. Oh, dis donc, ces gens mal polis quand même. Mais oui. Bon, on rappelle. Enfin, pas mal polis, mais pas bien éduqués. On raccroche pour des gens comme ça. On y retourne. Allez. Allô. Oui, bonsoir monsieur. J'étais en communication avec votre femme, mais on a été coupé. Oh, connard. Hein? Oui, mais est-ce que... Arrête de téléphoner ou quoi? Mais faut pas le prendre comme ça, monsieur. Je vous pose juste une question. Allez, va te promener, va. Mais non, attendez, monsieur. Oh. Donc je voulais savoir si vous aviez déjà eu des rapports sexuels. Ah bah va te faire foutre toi. Sur votre lieu de travail. Eh ben voilà, bon on n'en saura pas plus apparemment, hein, dommage. Bon bah pour les autres, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein, n'hésitez pas. Ils ont été gentils quand même eux, hein. Oui, un petit peu de quand même. Ouais, hein, on a déjà eu pire. Hein. Va te faire enculer au PD, va. Ouais, on a déjà eu ça, on en a eu des plus trash, hein. T'encules, toi, ta mère, ta grand-mère. Je crois que celui-là est quand même, était quand même pas mal. Était quand même plutôt pas mal, effectivement. Bon, allez, bienvenue si vous venez de débarquer, c'est Mickaël No Limite, on est là jusqu'à 2h du mat. Il n'y a plus de pub là jusqu'à la fin de l'émission. Et puis il y a Prisca qui dit c'est chaud quand même de faire l'amour au travail. Bah ça dépend où tu travailles dans l'idée. Hein. Moi au lycée, il y en a bien une qui s'est fait prendre dans un casier. Comment ça, Comment tu peux baiser dans un casier? Alors, ils sont vraiment maigrichons tous les deux. Nassim qui dit Mickaël, ça fait 3 semaines que je vous écoute, mais j'ai toujours pas eu de message de bienvenue. On va arranger ça tout de suite, Nassim. Voilà. Ta gueule, connard. Et en plus, c'est le Carlo qui te dit ça. Et le prince est là qui dit, j'ai demandé à Valentin quand je trouverai un mec. Même Valentin n'a pas pu me répondre. Ah, bah oui, mais ça c'est. Il n'a pas réponse à tout, malheureusement, Valentin. Ah, oui. Il y a Mini aussi qui dit, Toff est un mange-merde, il mérite un coup de pelle. C'est vrai. Tu as totalement raison. Et Olive Voulet qui dit, Toff, il a une voix d'animateur télé mort de rire. Ah bon? Bah alors je voudrais bien savoir quel animateur télé, hein, quand même. Hein. Je sais pas, peut-être le mec qui présente Slam. Ah peut-être. Sur France 3. Ouais, peut-être. Je sais plus comment il s'appelle. Bah, je sais plus non plus, mais en même temps, bon, c'est pas très intéressant. Il y a Jordan qui dit Mickaël en top tweet en peu de temps, là, très très fort. Bah surtout merci à vous, hein, c'est grâce à vous, nous on fait pas grand chose dans l'histoire. C'est le 23 qui dit je veux écouter l'histoire de Toff. Ah oui, ça c'était tout à l'heure, et il faut revenir avec du neuf là. Et Véro qui dit alors Toff, c'est quand qu'on fait l'amour sur la musique de Martin Garrix? Mais quand tu veux, Véro. Voilà. Viens à la radio, on fera ça sur le bureau. Génial. Et Clem qui dit moi je trouve que faire l'amour au travail c'est excitant. Bah ça dépend quel travail, ça dépend avec qui, ça dépend la circonstance. Voilà, c'est ça. En gros, c'est surtout ça, ça dépend des circonstances. Bon, on va justement Nicolas qui est avec nous là de Bordeaux. Salut Nico. Salut. Comment ça va? Parfait. Bon, bienvenue à toi Nicolas. Alors, tu appelles parce que toi aussi t'as déjà eu l'occasion de tester le sexe au travail ou au bahut? Exact, au bahut. Ah, alors explique-nous comment ça s'est passé, avec qui, dis-nous tout. Alors, c'était au lycée, j'avais 14 ans et j'étais... À 14 ans ouais. Oh putain, d'accord, ouais. Et ouais, bah c'était dans un buisson, juste derrière le lycée. Dans un buisson. En plein hiver, il neigeait, non, c'est pas ça? Non, ça va, c'était en été, ça va. Ah bon, d'accord, ok. Tu t'es fait griller ou pas? Non, mais je pense qu'il y a des gens qui ont dû claquer, parce que franchement, il y avait gavé de monde qui passait. Oh putain, mais t'as dû faire ça comme de la merde, parce que dans le buisson, là, vous avez dû faire ça en 3 secondes, non? Franchement, c'était ma première fois, et franchement, ça va, c'était pas trop mal. Oh putain, première fois dans un buisson, mais vous êtes complètement barré. Une demi-heure, franchement ça va. Une demi-heure? Oh le mytho. Ouais, toi tu mythonnes, la première elle tient une demi-heure. Ah, si, parce que comme il faisait froid, il a fallu le temps que ça monte. Mais non, c'était en plein été, il a dit. Ah oui, merde. Non, mais pas tout compris, je parle préliminaire, machin et tout. Ah parce qu'en plus, écoute, on est dehors, bah écoute, tu as pompé d'arbre. C'était pendant les heures de livre, j'avais du temps. Arrête. Eh, franchement, c'est vrai cette affaire? Dis-nous, c'est pas grave. La vie de ma mère, c'est vrai. Vas-y, t'as le numéro de la meuf, on l'appelle pour vérifier. Franchement, j'ai pas son nom. Bon, c'est quoi la première fois, Toff, t'as encore? Ah oui, hop. Non, je t'en supplie, bravo. Pas ton bus anglais, j'en peux plus. Oh si. Oh putain, non. Putain, pas le bus anglais. Oh, mais si. Oh là là. Attends. Bon allez, pour les nouveaux auditeurs, allez, musique. Raconte. Bah oui, on va mettre la musique, musique de ton putain de bus anglais là. La première fois Toff, attention, pour les fidèles, clap 153. Pour les nouveaux, bah découvrez, hein, allez-y. Bon moi j'en ai un peu marre de l'entendre, hein, mais bon. On va jouer professionnel, on va faire comme si c'était la première fois. Putain, c'était quoi ta première fois, Toff? Raconte. Bah en fait j'étais en séjour. Non ouais, j'étais en séjour. Oh putain. En Angleterre. Non ouais, j'étais parti tout, j'avais genre Je crois que je devais avoir 16 ans, c'est 17 ans. Et donc je pars en séjour linguistique et puis. T'as que ça à foutre, tête de mort. Bah, à ce moment-là, j'avais un peu que ça à foutre. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais. Et réponds. Parce que bon, mes parents, ils préfèrent que je sois pas à la maison pendant les vacances. T'as rien à faire, ce connard. Et donc, ils m'ont envoyé en séjour linguistique et loin, tu vois, l'Angleterre, histoire d'être sûr c'est que cool. je revienne pas. Enfin, loin. Sale con. Et donc on est sorti dans une boîte et là je rencontre une anglaise qui pense que tu vois je suis le French lover hein, parce ouais. qu'elle savait pas trop où c'était la Belgique. Et t'encule, toi ta mère, ta grand-mère. Et donc tu l'as dit ça ou pas? Non, parce que de toute façon j'aurais pu dire ce que je voulais, de toute façon on le comprenait pas. Ouais. Et donc on rentre dans le bus de nuit qui nous ramène et on est au deuxième étage, c'est des bus anglais, les bus rouges là. Et la meuf, donc on commence à chauffer, machin. Et il y a le dernier mec qui était à notre étage descend et donc on se retrouve tout seul au deuxième étage du bus. Et on continue à se chauffer. Et en fait, ça a duré 15 secondes. Et là, la meuf. Oh elle... putain, je rigole encore. T'as vu? C'est bien. Et putain, c'est non seulement je rigole encore, en plus c'est sorti naturellement. Voilà. C'est ça. Et donc la meuf, elle devait être dégoûtée et, parce que genre deux heures après, elle m'a fait ouais, c'est là que je descends. Allez, salut. Ah, elle était vénère. Ah ouais. Il est où le buisson là? Ah bah t'es là le buisson? Ouais, je suis là. Ouais. Ah très bien. Et dis-moi, tu peux pas faire des j'y pense depuis tout à l'heure là. Ouais. Tu peux pas faire des préliminaires pendant une demi-heure? Non, bah en fait la meuf m'a, on va dire, elle m'a pompé pendant au moins facile un quart d'heure, 20 minutes et mais après. Arrête. Un quart d'heure, attends franchement moi je me souviens la première fois, elle a jamais duré un quart d'heure. Tu craches tout, enfin pardon, excusez-moi. Mais non mais tu lâches tout de suite, c'était mais là. Oui. En plus t'es tremblant, c'est la première fois, tu te dis je faut que je sois bon et tout là. Franchement, la première fois, ça s'est passé nickel. Franchement, c'est plus les autres fois qui... Parce que la meuf était assez cool, on va dire. Elle était hyper... Un quart d'heure de pipe, ça devait vraiment être la plus mauvaise suceuse de bite de la Terre. Ah ouais. Bah non, ça dépend. Attends, ce que tu racontes. En même temps, c'est la première fois, donc c'est... Ouais, c'est pas mal, mais... Non mais non, je vais le croire après pourquoi pas, je veux bien le croire, voilà. Bon, il y a Paul qui dit depuis le temps que je vous écoute, j'ai même pas eu un petit bonjour. Bah voilà Paul, t'as ton bonjour et je te mets même un petit message de bienvenue. Vous me faites chier. Voilà Paul. Et il y a Jordan aussi qui dit je pourrais avoir le son de Valentin. Jordan, ouais, on va te le mettre. C'est vrai que ça fait longtemps hein, qu'on l'avait plus mis. Tu peux aller te faire foutre, tu le demanderas à Valentin. Voilà. Et Jordan qui dit ne panique pas, c'est rien, ils sont gentils les dentistes. Oui non mais j'en doute pas un instant hein, c'est juste l'histoire hein. C'est par rapport à mon rendez-vous chez le dentiste demain. Et puis Thomas qui dit moi je veux bien faire l'amour à Sandro sur son lieu de travail. Comme ça elle pourra témoigner. Oh comme c'est cool. Ah c'est sympa. Ah ça. Putain c'est gentil ouais. Ah c'est super gentil. Moi, c'est cool. Ouais c'est vrai. Et Kylian qui dit n'aie pas peur Mickaël. Au mois de janvier je me fais arracher deux dents et je vais avoir le droit aux bagues. Youpi. Mister Steven qui dit ça va aller chez le dentiste demain, t'inquiète pas. Ouais, écoute, on verra bien. Et puis Tommy qui dit non, c'est tu risques de mourir. Ouais peut-être. Tommy qui dit tu risques pas grand chose chez le dentiste, à part si il te loupe. Bah il doit quand même en théorie me décoller les gencives. Donc si tu veux si je risque quand même quelque chose d'avoir mal avec piqûre dans le palais. Donc c'est une horreur. On c'est peut une horreur. Le faire ici, on a ouais, du matériel. Ouais et quel matériel hein. C'est-à-dire que le seul truc que vous avez c'est une fraise. Ah, j'ai bien avancé tiens. Si t'as le marteau là. Ouais, piqueur, hein. Ah super, ah bah oui, bah on va essayer avec le marteau piqueur, ça va être bien avec le marteau piqueur. Ça sera plus rapide. Ah ça va être plus rapide, effectivement j'aurai plus de dents comme ça. Hein. Ah ouais, ça va être pratique. Ah ça va être génial, on parle comme ça. Génial. Oh attends. Je vais faire le fond là. T'as qu'à faire un petit coup de lance-flamme, comme ça on cautérise le tout. Voilà, et puis plus de problème de saignement. Exactement, et puis pour l'odeur, parce qu'il y aura eu du sang justement. Hop là, voilà. Encore un petit coup et on était pas mal effectivement. Bah voilà, tu vois. Ah bah voilà, parfait. Bah j'annule le dentiste. Parfait, merci beaucoup. Hein. C'est super gentil. Je suis devant, plaisir, si hein. C'est vrai. Bon, donc Nico, toi ta première fois, donc ça s'est passé comme ça en termes de sexe au travail ou à l'école. Et nous avons également Laura avec nous maintenant de Montpellier. Bonsoir Laura, comment ça va? Ça va, super, merci. Ah, qu'est-ce qu'il y a toi? Allez, vas-y. Ah bah oui, si. Hop, police, contrôle des mensurations, s'il vous plaît, madame, mettez-vous sur le bas-côté. Ah, c'est le meilleur contrôle que j'ai jamais eu. Hein. Bah écoute, tant mieux. Alors, combien mesures-tu, Laura? Je mesure 1m60. Combien pèses-tu? 50 kilos. Quel est ton tour de poitrine? Je fais du 90D. D comme Denise. Denise, oui, tu as un vrai problème avec les lettres. Hein. Mais non, je confirmais, là. Non, il confirme. Comme du con, aussi. Ah ouais, comme du con, Tof, ouais. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? C'est du 38. Oh là là! Laura? Oui. Ah oui, merde, putain, il marchait pas très fort le truc là ce soir, c'est con, c'est dommage. Mais les sadiques, ils parlent comme ça aussi, ouais, hein, très bas. Et complètement, c'est vrai. Approche, tu ne crées rien. Yeah. Voilà, oui, tu peux venir, Laura, il n'y a pas de problème. Bon, c'est vrai que les Montpellierennes sont quand même plutôt jolies. C'est vrai que c'est un peu comme à Nancy. Et les meufs les plus bonnes sont sur Fun Radio. Ça, non, mais ça, par contre, non, ça, pour le coup, c'est réel, c'est véridique. C'est Mickaël qui les attire. C'est véridique. J'ai une bon. Statistique que je peux démontrer. Oui, c'est vrai, parce que je rappelle qu'à chaque fois que Toff fait un petit tour du propriétaire, les chiffres et les lettres, il prend des notes. Bon, Laura, il n'y a pas de souci, c'est son anniversaire et c'est le mien aussi. Donc, non, bon anniversaire, Laura. Musique d'anniversaire. Laura, allez, c'est parti là, attends, eh oh, on y va, bon anniversaire. Merci. Voilà. Attends, jusqu'au bout, hein. Allez. Et pour finir. Voilà, tout simplement, en toute simplicité. Bon, Laura, on va parler de quoi avec toi dans quelques minutes ? Eh bien, tout simplement parce que j'ai fait l'amour donc avec mon mec, enfin mon presque futur ex. Ouais. Donc toi, ça va être fini alors. Est-ce que je peux être le futur futur ? Ouais, Toff prend son ticket. Hein, c'est mon tour. Donc on a fait ça en fait derrière la brigade. J'ai bien vu. Derrière quoi ? Derrière la brigade pendant son service. Non, ah, c'est toi qui avais envoyé un message sur. Eh oui, c'est moi. C'est toi. Comment tu t'appelles sur Twitter ? Sur Twitter, c'est. Requin. Ouais, c'est ça. Ah, c'est requin, d'accord, requin. Bah, toi, évidemment, il va directement faire requin. Bah, oui, hashtag requin. Je vais voir directement à quoi ça ressemble. Attends, j'ai des grandes dents et un gros appétit. Ah, très bien. Mais je pense que tu vas taper dans le mille avec Toff, là. T'inquiète pas, moi, j'ai une grosse nageoire. Tu parles. Ils sont bien trouvés, les deux. Ah, ouais, c'est clair. Bon, Nico, reste avec nous. Laura, tu veux écouter un son particulier ou pas, toi ? Disons qu'il est déjà passé il y a pas longtemps, donc on va lequel tu voulais ? Martin Garrix. Ah oui, bah oui, là pour le coup je l'ai mis il y a même pas une heure, effectivement. Et alors, oui. Sinon je peux te proposer Back Your Mat. Ouais, carrément. Ou alors Basto. Ça c'est bien pour 90. Ouais. Non, un petit Skrillex ? Un petit Skrillex ? Ouais. Alors attends, lequel tu veux, Skrillex ? Ah bah le dernier. Ah bah oui, mais attends, t'es gentil toi. C'est quoi le titre ? Je connais pas tout par cœur. Sinon j'avais aussi. Attends, Skrillex, j'ai Bangarang, on l'a mis il n'y a pas longtemps en note. Ou alors sinon j'ai My Goodbye. Ouais, My Goodbye. My Goodbye, t'es sûr ? C'est bon, ouais, c'est validé bien là. Sûr, bien sûr, ouais. C'est validé. Bon allez, on va se le mettre maintenant. En plus il est court, très bien, comme ça on sera de retour relativement rapidement. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, on y va. Bouge pas Laura, bouge pas Nico. On revient avec Soraya dans quelques minutes. Soraya avec la colle bien sûr pour repartir avec la PlayStation 3 et le jeu Beyond Two Souls, un jeu qui ne sortira que la semaine prochaine et qu'on vous offre en exclusivité. Évidemment. Allez, Skrillex maintenant, My Goodbye. C'est toi qui l'as choisi Laura, t'as vu, on n'est pas des enculés ici, hein. Tu demandes un titre, ouais, je te le mets. Hein. C'est ça qui est bon. Ah, t'as vu un peu, allez bouge pas. C'est pour ton 90 dès que je le mets. Et le son de Skrillex à l'instant, c'était My Goodbye. Allez vous faire foutre, il fait des têtes de con. Tous les soirs, 23h, 2h, sur Fun Radio. Fun Radio. Alors, t'as kiffé, Laura ? Ah ouais, carrément. Il était bien ? Ouais, il était bon. Bon, très bien. Il y a Anthony qui dit passe Both, s'il te plaît. Ah bah oui, tiens, je vais te le mettre. Le son de Both, pour ceux qui ne connaissent pas encore. Je vous l'ai fait découvrir il y a une semaine, c'est ça. Tu connais Laura ? Ah merde, Laura ! Laura, est-ce que tu connais Laura ? Attends, parce que Sandro qui m'a fait n'importe quoi dans le standard. Attends, je l'ai plus au standard. Il y a un problème au standard. Ouais. Ah ouais, j'en connais. Il y a un problème toi, au standard. Non, standard. Non, c'est toi le problème, non ? Non, avec les, on a un problème de couleur, voilà. Bon, Laura, tu connais Bose ? Non. Non, bah je vais te mettre à l'heure. Désolé, mais j'ai pris un petit moment pour la gorge. Je pensais que le son sucré c'était plus long que prévu. Je pensais qu'il était plus long que 2 minutes 20 et voilà, du coup j'ai encore les bonbons en bouche, mais c'est pas grave. C'est ça qui est bon. Soigne-toi. Ouais, oui, faut. Ben oui, il faut sucer, Laura. Effectivement, je suis content que ce soit toi qui en parle. Eh ben écoute, quand tu veux, Laura. Moi, je suis disponible pour sucer. Il faut le parler à moi, soit dit au passage. Attends. Il a dit, moi, je suis disponible pour sucer. Mais si je suis intéressé, la bouche de taf est prête. Exactement. Oui, je parlais de Laura, moi. Totalement disponible. Ça se lèche une femme, et ça se. C'est vrai. Merci beaucoup. Bon, il y a Nico qui dit, Mickaël attire les belles meufs, mais Toff les fait fuir. Oui, c'est ça le problème. C'est qu'elles viennent toutes au standard, elles sont toutes mignonnes, et puis après, c'est un drame. Dès que Toff ouvre la bouche, c'est un drame. Ouais, désolé. Ouais, mais c'est pas grave. C'est pas des bagouts qui comptent. Hein. Merci. Non, mais bon. Et il y a Laura qui dit aussi coup de pelle s'il vous plaît avec plaisir. Hop là, voilà. Et Benjamin qui dit tu pourrais ne plus parler. Attends, c'est quoi? Tu pourrais ne plus parler après le dentiste. La radio, c'est fini pour toi. Bah parler ici, je pourrais parler. C'est juste que quand ça, j'ai dedans quoi. Ouais, c'est pas grave. Évidemment, c'est moins pratique. Ouais, mais ça peut le faire. Oui, c'est vrai. Ça peut le faire, effectivement. Bon, alors, avant de continuer à parler avec toi, Laura, tu regardes souvent la télé ou pas? Ouais. Tu regardes quoi? C'est quoi ton programme préféré? Oh bah tous les programmes à la con, hein, ils devaient rester. D'accord, très bien. Est-ce que tu regardes Les Amours? Ah non. C'est dommage. Pourtant c'est un programme à la con. Hein. Ouais. Ah oui, mais bon, c'est midi. c'est vraiment à la con quand même. Oui, hein. C'est vrai. Mais dans Les Amours, on a eu droit à un mec qui comprend bien la question que Tex essaye de lui poser. Anouche, Nicolas, connaît-il top votre boisson préférée? Oui. Poisson rouge. Votre boisson préférée, le poisson rouge, qui est une bonne boisson quand même, très connue, il faut même le savoir. Et puis enfin, au grand journal, il y a Karl Lagerfeld qui nous apprend qu'il a offert un iPad. Mais à ton avis, à qui, Laura? Je ne sais pas. Tu ne sais pas, bah écoute bien. Vous êtes l'heureux propriétaire d'une petite chatte? Oui, d'accord, mais ça c'est plus facile à gérer qu'un enfant. Hein. Vous lui avez offert des iPads? Oui, elle sait s'en servir. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'elle va faire avec cet iPad? Non, mais c'est drôle. Oui, c'est drôle. Ah oui, c'est drôle, ouais, bah oui, bien sûr, toi aussi offre un iPad à ton chat. Bah oui, ouais, tant qu'à faire, hein. Au pire, s'il a pas d'amis, moi je veux bien l'iPad. Hein. Sans déconner, toi tu veux tout, toi, hein. Toi tu veux tout, alors. Hein. Ah bah je suis gourmande, hein. Ah, toi t'es en chien, toi, hein. Enfin, t'es vraiment en chien. Ah ouais, complètement, ouais. Bon, alors, on va parler avec toi, Laura, donc, du sexe au travail. Donc toi tu l'as fait avec ton ex, enfin ton futur ex, qui sera ravi d'entendre d'ailleurs actuellement. Ah bah c'est de ta faute, hein, c'est pas la mienne, hein. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Bah attends, c'est mon anniversaire aujourd'hui, il vient et on fait un bon petit repas aux bougies, tranquille, et il me sort quoi? Il me sort que il pense toujours à son ex et qu'il se barre travailler. Putain, à c'est Marseille. Vrai, c'est toi qui avais envoyé le message. Et ouais. Mais oui, mais Laura, mais t'inquiète pas, on est là nous. Mais oui, je vais te consoler. Mais oui, Laura. Heureusement, hein. Mais voilà, c'est ça. Non, t'as pas l'air. Non mais t'as pas l'air très triste. Enfin, si, non mais j'ai les boules, hein, j'ai les nerfs contre lui, attends, ça se fait pas ce qu'il fait. Et en plus, j'ai même pas eu droit, un petit cadeau quoi, s'il te plaît. Non, même pas une petite cartouche. Ah, franchement. Sans en plus, déconner. Il a mis des beaux sous-vêtements et tout, bien sexy, bien connu pour et tout. Il s'est barré à 10h30 là. Pour pas gâcher. Pour pas gâcher, tu peux envoyer une photo à POLO à funradio.fr. Petit merdier là, comment vois ça. Et moi je vais en profiter. Non mais si tu veux pas gâcher Laura, moi je peux être ta bougie pour le week-end. Ah super, ah, génial. Il faudra pas se consumer trop vite, hein. T'inquiète pas. Ouais mais c'est le problème de Toff, hein, c'est qu'il se consomme rapidement. Ouais mais tu pourras me jeter après le week-end, hein, c'est... Ouais. C'est une petite bougie, hein, d'anniversaire. C'est pas un cierge, hein. Bon et Laura. Oui. Bon, du coup, c'est vraiment gâché à mille, les cons, à partir de Montpellier à Marseille quand t'as un 90 à la maison. Et surtout d'aller à Marseille. Non, mais peu importe, mais non, mais c'est bien, mais c'est juste, c'est con, quoi. Bon, non, mais je préfère Montpellier, c'est pour ça que je voulais. Oui. Mais ça dit, c'est une chouette ville, ouais. Montpellier. Bon, Jérém qui dit aussi, moi, Mickaël, je peux avoir un coup de pelle, s'il te plaît, bien sûr. Tiens, voilà, Jérém. Bon, alors, Laura, et donc, du coup, toi, mais toi, t'avais niqué aussi dans le commissariat, c'est ça? Juste derrière. Mais c'est-à-dire juste derrière? Et ben juste contre les murs quand on est sorti dehors, il m'a appelé pour me dire qu'il avait 15 minutes devant lui, donc vu qu'il est gradé, il a laissé les petits jeunes s'occuper des petits trucs quoi. Et puis il m'a dit vas-y rejoins-moi et j'ai rejoint donc derrière la brigade et un pop-up quoi. Ah c'est bon ça. Est-ce qu'il a utilisé la matraque? Ah non mais j'aurais préféré les menottes. Ah ouais, parce qu'on n'a pas de menottes mais on a aussi à la radio une petite impasse. Oui. Ah ouais. Très charmante l'impasse. Exact, il n'y a jamais personne ou presque. Ah mais s'il veut, Toff, il n'y a pas de soucis. Mais arrête avec Toff. Mais viens Laura, on ira dans l'impasse. Je te ferai visiter. Il n'y a pas de soucis. Mais bon, je préfère les bureaux quand même. Hein. Eh ben, on fera sur le bureau de Polo. Mais arrête avec ça, Toff. Je te préviens. Toff, tu me connais. Il va essayer, ouais. Et il y a un message aussi qui est arrivé de Jordan qui si vers t'inquiète, je demanderai à Valentin. Oh bah très bien, Jordan et Paul qui dit courage pour demain. Ils vont te charcuter la bouche. Bah ouais, je vous mettrai les photos en direct sur le Facebook et le Twitter. Hein, donc soyez là, j'ai rendez-vous à 15h30. Donc ce sera plus ou moins par là, quoi. Bon, et donc du coup, Laura, donc toi, tu nous avais appelé parce que, bah effectivement, t'as fait, puisque c'est le sujet dont on parlait, l'amour au travail, enfin, en gros, l'occurrence, le sexe au travail ou au bahut. Donc toi, t'as en l'occurrence fait ça sur le lieu du travail de ton mec, de ton ex-futur mec plutôt. Et depuis, bah là, maintenant, c'est terminé, quoi, ces conneries. Puisque t'es célibataire. Bah ouais, hein. Bah, ouais. Bien couille, hein. Bah c'est ça. Attends, il y a Mike aussi qui est avec nous. Bonsoir Mike. Oui, bonsoir. Comment ça va? Ça va. Bon, on t'appelle de la Ciotat. Ah, les Bouches du Rhône, toi, c'est pas ton mec, Laura? Non. Ah bon, c'est jamais, hein, on sait jamais. Bon, bah Mike, sois le bienvenu, 20 ans toi. Oui, c'est ça. Bon, t'as déjà fait l'amour aussi, toi, dans des endroits, genre le travail, au bahut, tout ça? C'est ça, en fait, c'est travailler au bahut, au final, c'est en alternance, et on est en hôtellerie, et on sert au travail, enfin, à l'école. Ouais. Et donc, il y avait le service et tout, je me faisais chier. Et une fille, elle faisait que de me chauffer, et du coup, je l'ai niqué dans le congèle. Ah, c'est toi qui avais niqué dans le congèle? Oh, c'est fort. Oui, oui. Mais attends, mais t'as pas eu peur un moment que ça ferme? Tu sais, genre, tu puisses pas sortir comme dans les films, tu meurs gelé. Non, mais on peut ouvrir, il y a le genre de champignons. Oh, moi je pensais que c'était comme dans les films, une fois que t'étais enfermé dedans, bah t'étais enfermé dedans. Non. Oh, maintenant ils ont mis une sécurité. Oh, bah oui. Ah, oui. Mais quelle bande de connards. On peut plus mourir gelé. C'est ça. Oh putain, c'est même pas drôle. Oh là là là là là là. Allons, c'est nul. Ah, oui, comment on fait pour se débarrasser des gens maintenant? Bah voilà, c'est ça, tu fais comment maintenant? Bah... Je suis déçu. Bon, et du coup, t'as quand même bien kiffé, parce que dans le froid, ça doit quand même être pas facile de faire monter le merdier là, non? Ouais, c'est super dur, mais bon. Bon, ça dépend de la meuf que t'as en face, hein, parce que je pense que si t'as une meuf qui est méga bonne, je pense qu'avec même avec moins 10, je pense que le truc il peut monter. Hein. Ouais. Oui, ça monte quand même. Hein. Tout n'est qu'une question de motivation. Ouais, c'est comme à la piscine, même si l'eau est froide, au bout d'un moment ça monte. Hein. Ouais, voilà, c'est ça, voilà. Bien sûr. Et il y a Lucas, ah oui, ça c'était par rapport aux dentistes, je le dirai dans quelques instants. Et Laura qui dit courage pour demain, pauvre bouche. Oui, bah je te confirme, surtout pauvre moi, la bouche m'en branle. Bon, il y a aussi Jason qui est avec nous, là, du Jura. Salut Jason. Salut. Comment ça va? Ça va, la forme. Bon, bienvenue Jason. Tu voulais réagir aussi à Mike, à Laura, et puis même avec le nouveau jouet de Toff ce soir, hein, puisqu'il appelle des gens là pour voir s'ils ont déjà fait l'amour au travail. Alors Jason, c'est quoi toi? Bah en fait, moi quand j'avais 14 piges, je sortais du bahut avec des potes. Ouais. Et puis mes potes, ils me disaient viens et tout, on va se faire sucer un coup la clean vers des collègues et tout. Puis du coup on a rejoint des nanas quoi en fait, c'est pas prévu du tout qu'ils se passent des trucs comme ça quoi. Et moi j'ai insisté, j'ai demandé à une nana s'il y avait moyen qu'elle me suce et tout. Puis on était juste derrière un super U, supermarché quoi. Non mais j'aime bien le mec, c'est qu'ils m'ont dit ouais, il y a moyen que tu me suces, non mais s'il te plaît. Non parce que tu vois j'aimerais bien donc. Ouais. Ah mais j'ai insisté grave en plus. J'ai insisté, genre je disais à vie et tout, faut pas que je me fasse sucer un coup et tout. Parce qu'en fait, quoi, j'avais jamais rien fait encore et puis j'avais trop envie. C'était du matériel neuf. Ouais, c'est du matériel tout neuf, ouais. J'étais un petit peu puceau, quoi. Et d'accord. Puis, j'ai trop envie de passer un petit coin à l'acte, quoi. Ouais. C'est ce moment, quoi. Puis en fait, du coup, la meuf, à force d'insister, elle me fait, ouais, vas-y, va t'asseoir, et tout. Alors bon, je vais m'asseoir sur un petit muret, et tout, je commence à baisser mon froc. Elle vient, elle me taille une pipe, et tout, bien, tu vois. Puis à un moment, elle met un peu les dents, je lui dis, vas-y, mollo, et tout. Puis je crois qu'elle a pas trop aimé parce que je me suis vanté après comme ah quoi. Ah non mais il faut pas faire ça. Jamais. Ouais, je me suis vanté comme quoi elle m'avait rayé le casque quoi et tout. Je crois que ça lui a pas trop plu quoi. Non mais sans déconner, évidemment, ça se trouve elle a regretté parce qu'elle était peut-être un verre dans le nez, toi tu vas balancer le truc à tout le monde. Ouais bah non mais en fait puis le délire donc en fait après ça quoi moi je sortais déjà pas avec la meuf. Ouais. Vu qu'elle l'a mal pris elle a porté plainte quoi. Au bout d'un carrément an, je me suis retrouvé chez les keufs sans sympa et tout, grosse galère quoi. Tu m'étonnes, au moins t'aurais été sucé, c'est toujours ça de prix hein. Ouais on peut pas. Ouais mais... je me serais fait sucer mais bon j'aurais fait un petit coup de casse-garde à vue quoi. Ah oui quand même. Ah oui ouais. Bah en même temps ça t'apprendra hein Jason hein, faut fermer ta gueule la prochaine fois. Ouais non mais ouais c'est ça en fait, c'est tout à fait ça, ouais. Faut apprendre à fermer sa gueule à des voilà moments. Voilà. T'as été arrêté pour mendicité de suce, c'est ça? Oui c'est ça, mendicité de pipe. Ouais, en fait c'est passé en agression sexuelle carrément non, quoi. Ah carrément. Ah ouais, l'autre. Ah ouais, c'est passé en agression sexuelle et tout, je suis retourné au tribunal à mes 18 ans et tout. Oh là là, putain tout ça pour une pipe. Voyez les mecs, réfléchissez parfois hein. Ouais bah des fois vaut mieux se retenir quoi. Tu m'étonnes. Et puis du coup, dans tout ça, voilà quoi. Qu'est-ce qu'il va nous sortir encore hein, parce qu'on est passé au mec qui se fait sucer, l'autre il est au tribunal déjà maintenant. C'est quoi la prochaine étape? Bah du coup, je me suis rangé, je l'ai tué donc. Ah, puis tribunal pour enfants, l'autre elle me dit, ouais, tu sais, la juge elle me dit, ouais, tu sais, la vie c'est pas un porno et tout. C'est ouais, normal, c'est. Du coup, ouais, je sais pas. Bon, enfin, en même temps, elle l'a fait aussi donc faut qu'elle se calme aussi 5 minutes quand même. Ouais, elle a sucé des mecs dans le tribunal. Oui. Ben bon, sur le coup, quand le plus circon, c'est quand les flics ils te demandent de faire la déposition, quoi. Mm. De toute façon, le mec va pas te croire, forcément, ça c'est clair. Ouais, non, bah il te demande si t'es à Laval et tout, en gros, t'es obligé de dire la vérité, quoi. Bah ouais, bah écoutez, bah, je vais faire un petit topo, vous allez voir, c'est plutôt un bon coup, hein, donc si jamais vous voulez tester. Bon, bah merci en tout cas, Jason, d'être passé. Ouais, d'ailleurs. Tu reviens quand tu veux, à bientôt, Jason. Pas de soucis, allez, bonne soirée. Merci, je crois qu'il va dire bonne sodomie. Il va bien, Nick, s'il arrive. Bon, Jason, retour chez Sandro au standard. Laura, reste encore un petit peu avec nous, si tu veux. Pas de soucis. Non, parce qu'on va pas se séparer d'un 90D comme ça. Hein, ça arrive une fois de temps en temps comme ça. Donc, et puis en plus, t'as plus rien à faire maintenant, t'as plus de mail, donc autant que tu, ça, ouais, autant que tu restes avec nous. Ouais, j'ai passé une sale journée, autant que je suis bien. Bah, hein, voilà, exactement. Ouais. Il y a le prince qui dit Mickaël dans une forêt, c'est un bon endroit, je trouve. Oui, pourquoi pas, c'est vrai, ça peut être sympa, ça dépend quand. En novembre, tu sais, quand il y a un peu de brouillard, tu vois rien, il fait un peu frais, tout ça, voire même un petit peu froid. Bon, Laura, on va revenir dans un instant, on va rappeler encore des gens hein, pour vérifier s'ils ont déjà fait l'amour au travail. Oui, parce que ça fait, je n'ai pas été beaucoup insulté aujourd'hui. Bah écoute, c'est vrai qu'effectivement, je suis limite un peu déçu. Bah moi aussi. Bah ouais. Et on va également reprendre Soraya maintenant. Soraya, t'es là ? Oui. Très bien. Soraya, est-ce que t'as déjà fait l'amour au travail ? Vite fait, on va dire. Ah parfait, bah, tu nous expliques ça juste après, Soraya. Bon, okay. D'abord la colle donc qui va te permettre peut-être de repartir avec une PlayStation 3 et le jeu Beyond Two Souls. Ça, c'est si personne ne trouve la réponse à ta question. Et si quelqu'un trouve la réponse et qu'il passe à l'antenne, il repart lui avec la PlayStation et le jeu Beyond Two Souls qui ne sortira que la semaine prochaine. C'est donc un jeu qu'on vous offre en... exclusivité. Voilà, vas-y Soraya, nous t'écoutons. Alors, je suis plus puissant que Dieu. Ouais. Je suis plus méchant que le diable. Le pauvre en possède et le riche en manque. Qui suis-je ? Alors. Une boîte de thon ? Une boîte de thon ? Non. La pitié ? Non. Le sourire ? Non. Il y a Thomas qui proposait les enfants ? Non. Mélanie qui dit espérance ? Non. La tête ? Non. Le cœur ? Non, c'est pas ça. Bon, et rassurez-vous, elle sait dire autre chose que non, hein, vous inquiétez pas, j'ai déjà posé la question tout à l'heure. Bon, alors, je suis plus puissant que Dieu, je suis plus méchant que le diable, le riche en manque et le pauvre en possède. Qui suis-je ou que suis-je ? Vous avez la bonne réponse, vous envoyez Mickaël, espace la réponse par SMS au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Soraya, dans une petite dizaine de minutes, on saura si tu gagnes ou si tu perds, d'accord ? Ok, y a pas de soucis. Et on saura donc si un auditeur a trouvé la bonne réponse, il repartira peut-être lui aussi avec sa PlayStation 3 et le jeu Beyond Two Souls. Voilà, voilà. Bon, Soraya, Backer Mat, ça te branche ? Ouais. Allez, c'est parti, on écoute ça maintenant et on revient juste après sur Fun Radio. Excellente soirée tout le monde, même bonne nuit, c'est Mickaël No Limit, on est là jusqu'à 2h du mat, avec évidemment toujours Laura qui est avec nous, le 90D bien sûr. Hein. Ah, toujours. Eh ben oui, toujours, évidemment, n'oubliez pas. On revient juste après sur Fun Radio, c'est Van Dyke, Backer Mat. I have a dream. Bah oui, appelez-nous, on est là justement. Vous appelez le standard, c'est Sandro qui décroche le téléphone. Donc allez-y, le standard est ouvert, il n'y a pas de problème, on est là jusqu'à 2h du mat. Avec un petit canular qu'on va faire dans un instant, c'est Sonia qu'on va accueillir. Et puis le retour également de Laura maintenant. Et également. Eh Laura, on t'a déjà bizuté ou pas ? Non, non, jamais. Jamais eu de bizutage ? Eh non. Ah putain, tu m'as déçu là. Tu m'as déçu. Non mais je plaisante. Mais si attends, veux, écoute, je peux te faire des petits bisous si tu veux. Oui, merci Laura. Écoute avec plaisir. Bon. Je viendrai en tant qu'assistant. C'est ça. Il y a Fred qui est avec nous également. 28 ans de Nancy. Bonsoir Fred. Salut. Comment ça va ? Ben ça va et vous ? Bon oui ça va bien. Ouais. Toi tu voulais réagir au niveau du bizutage ? Ouais ben en fait je voulais dire qu'il y a bizutage et bizutage quoi. Si c'est fait dans un bon esprit ça peut laisser un super bon souvenir. Après si c'est juste une vengeance par rapport à enfin je prends mon cas, je sais que moi je me suis fait bizouter la première année où je suis rentré dans un lycée et en fait les ceux qui bizoutaient ils se vengeaient de ce qu'ils avaient subi l'année précédente quoi. Mais c'est ça, généralement ouais, c'est le concept hein. Mais c'est exactement ce qui se passe ouais clairement. Mais il y a des trucs qui sont quand même vachement vachement dégueulasses hein. J'ai plus d'idées en tête putain. Ah, bah vas-y. Alors en médecine, il demandait, en fait, il prenait des abats genre de vaches, de enfin gros bovins, et mettait dans une baignoire et en fait les mecs ils devaient passer les uns derrière les autres dedans. Oh, ouais. Sympa. Ouais, c'est pas mal. Quelle horreur. Sympa. Ouais, non, nous c'était un peu moins crade que ça quand même. On a eu bombe épilatoire dans les cheveux. Marqueur à vache. Les enculés. Marqueur à vache sur la figure quoi. Ouais. Truc sympa à faire partir. Grave. Et, ouais, sympa, ouais. Et puis autrement, les chaussures collées au plafond à la glu dans le bus, enfin des trucs. Ouais, ça, ça va. Non, mais ça, c'est chiant, ouais. Mais c'est rigolo encore, tu vois. Ouais, c'est rigolo, mais enfin, ouais, non, ça va. C'est pas. Non, mais oui. Ça va. Attends, il y a Brian aussi qui est avec nous là, de Lyon. Salut, Brian. Salut, tout le monde. Comment vas-tu? Ça va bien et vous? Bah, ça va bien, ouais, tranquillement. Bon, alors, Brian, toi aussi, t'as fait le bisutage? Ouais, moi, j'en ai fait plein, ouais. Alors, vas-y, explique. Bah, c'est avec mes collègues du boulot pompier. Ouais. Puis, on était tous en semaine d'intégration dans le Puy-de-Dôme. Ouais. Puis, il y avait un ami à nous qui avait fait la bringue et qui était complètement bourré. Pendant qu'il dormait, on l'a chopé. Puis, on lui a mis du piment dans le cul. D'accord. Et pendant à peu près 2-3 jours, il pouvait plus s'asseoir. Bah, normal. Il était complètement constipé, il n'arrivait pas à marcher. La douche, c'était impossible de la prendre. Oh putain, mais quelle angoisse. Mais le pire, c'est que t'as des trucs comme ça qui peuvent... où tu peux devenir complètement dingue là-dedans. Ah oui. Ah ouais, moi, j'aurais pas supporté. Ah, j'aurais pas supporté. Et toi, Laura, t'aurais supporté les bisutages comme ça, là? Non. Putain, laisse tomber, ça doit être une angoisse totale. Et puis, le lendemain matin, je me suis réveillé et j'étais collé à un extincteur. Ouais. Et puis, ils ont allumé l'extincteur et j'ai complètement valdingué dans la douche, quoi. Oh là là. Collé à un extincteur, mais qu'est-ce qu'il faut avoir dans la tête, quoi? En fait, vous donnez des idées aux autres, là. Mais non, mais même pas. Oui, l'autre, ça donne des idées, hein, mais effectivement, après, t'as... tout ça, c'est véridique, quoi. Bah, merci en tout cas, les gars. Ouais. Merci Fred, merci Brian d'être passé. Attends. Hein. Ouais, Brian, ouais, Fred. Ouais, c'était juste pour. J'ai un petit mot aussi par rapport à ton aventure du dentiste demain. Ah. Parce que j'ai eu l'occasion de faire. Enfin, j'ai pas fait longtemps, j'ai fait 9 mois en assistant dentaire, bref. Et moi, il faut info que tu le fasses, parce que sinon, t'as tes dents, elles vont se déchausser. Et puis, sur du long terme, après, t'auras le droit à des greffes d'os, et c'est encore pire, quoi. Des greffes d'os Ouais. Il faut savoir que Fred a dû arrêter parce que bon, il a tué deux patients. Non mais c'est vrai. Non mais en fait, le truc, c'est que si tu veux, c'est qu'il veut me décoller les gencives. Il est complètement con, quoi. Ouais, mais il faut comme qu'il le fasse, quoi, parce que c'est pour piqûre dans le palais, c'est rien, quoi. C'est rien, mais si, c'est grave. Mais non, c'est des toutes petites aiguilles. Mais c'est toutes petites. Eh, je l'ai fait une fois, mais me dis pas que je vais rien sentir. J'étais chez le dentiste la fois passée. Je te parle de ça il y a un an. Depuis, j'avais pas peur du dentiste. J'ai toujours pas peur, mais j'ai peur de la piqûre dans le palais. Le mec, il me dit, oh, faire les tartrages. Ouais, tranquille, j'en avais déjà fait, donc je sais comment ça marche. Pas de problème. Et puis après, il me dit, ouais, je dois faire un petit peu plus poussé que d'habitude. Je vais m'endormir. Oh, vas-y, c'est pas grave. Le mec, il prend la piqûre, je pensais qu'il allait piquer, tu sais, dans la gencive ou c'est mou, ça fait pas mal. Non, il prend, tu sais, j'avais la bouche ouverte et puis il dit attention, ça fait mal. Bah, il me l'envoie dans la putain, il y a des gouttes parce que c'est rempli de nerfs dans le palais. Il y a des gouttes qui ont coulé des yeux, quoi. Putain, je me suis dit, l'enfoiré, il m'a même pas prévenu. Et depuis, quand il m'a dit, bah écoute, il va falloir décoller les gencives, tout ça, il me dit, ça va pas être une partie de plaisir. Hein. Je fais, pour moi ou pour le dentiste? Oh bah, surtout pour toi, pour le dentiste aussi, mais surtout pour toi. Et je dis quoi, la piqûre dans le palais? Oh, et pas qu'une. Oh putain. Ah non, mais c'est l'angoisse. Après, ton dentiste, il est pas cool de t'avoir prévenu, quoi. Ouais, mais au final, si, mais enfin... Ouais, mais tu stresses depuis combien de temps, là, comme ça? Oh, bah, je stresse pas, c'est pas ça, c'est juste que là, demain, c'est le jour J, donc, voilà, c'est, voilà. Enfin, je vais voir un autre dentiste, hein, pour qu'il me confirme le bordel. Ouais, mais ça se trouve, c'est pas nécessaire. Il va confirmer, quoi. Va te faire enculer. Sur du long terme, tu risques d'avoir des trucs plus graves que ça à faire, quoi. Tu en as un fou, tes dents, ça sert à rien, de toute façon. Je prendrais du milkshake. Ad vitam aeternam, du milkshake et de la soupe. Non, mais tu lui dis de tout enlever. C'est plus facile pour nettoyer après. Ouais, oui, voilà, c'est ça, c'est vrai. Et puis tu fais des économies sur la brosse à dents, le dentifrice. Et après, t'achèteras le truc des vieux, la Supradine, tu mettras tes dents dedans la nuit et le matin, tu les remets. Exactement, plus de problème, juste ouvrir la bouche et hop là, et voilà, tranquille, tout nickel. Quand il dit qu'il va te décoller les gencives, t'as déjà dû faire. Quand on te pose une couronne, il le fait, décoller la gencive. Mais on m'a jamais posé de couronne. Ben oui. Ouais. Michael n'est pas roi. Mais non, c'est ça. Non, mais j'ai jamais eu de problème à ce niveau-là, donc c'est pour ça. Enfin bon, on verra bien. Ben, comme ça, tu verras bien. Quoi. Bon, je vais me chier dessus, je vais pleurer, voilà. C'est bon. Puis tout ira bien, ça va être bon. Il n'y a pas de soucis. Voilà. Je rappellerai demain pour savoir. Demain on n'est pas là, mais d'ailleurs on sera plus là dorénavant. Hein, si, Toff et Polo éventuellement, mais bon, moi. Mais t'inquiète pas, on fera une émission commémorative dimanche. Ah, génial, super. on va être pratique. Hein. Oui, nous la dédierons à toute ta famille. Oh, merci. Tes amis proches. Trop aimable. Tu l'as vu. Trop aimable. Ben merci Fred pour les bons conseils. Là, je peux encore juste un petit truc. Tu veux faire quoi? C'est pour parler de la baise au boulot en fait. Oui bien sûr, vas-y Fred. C'est parce que j'ai bossé 6 ans en tant que saisonnier en village vacances. Et oh bah là, ça doit baiser. Hein. Ouais, c'est clair. C'est même plutôt le mec qui baisse pas qui passe pour un con. Quoi. Non mais c'est vrai. Et alors, t'as fait quoi? T'as fait avec les petites meufs qui étaient en vacances? Les petites meufs qui étaient en vacances, les meufs qui bossaient là, qui bossaient avec nous. Enfin, c'était... C'était la folie. Voilà. Et t'as fait ça où? En village vacances, dans les Alpes, au bord de la mer, ça dépendait si c'était l'été ou l'hiver, quoi. C'est bien avec les chèvres et tout. Ouais, mais non, attends, quand t'es en montagne, c'est en hiver. Ouais, c'est en hiver, il fait chaud dans le centre. Hein. T'inquiète pas, évidemment, c'est peut-être que toi, tu n'as jamais essayé de faire ça saisonnier. Écoute, si j'y ai pensé, et en fait, après, quand j'ai vu comment c'était dur, j'ai fait non. Parce que tu baisses quand même, hein. Mais alors, c'est toujours ce qu'on m'a dit, c'est que c'est, effectivement, ça baisse grave les saisonniers, mais c'est en même temps, c'est pareil si tu fais le Club Med, si tu fais. Ouais, c'est vrai. Si tu fais tous les trucs un peu comme ça, hein. Oui, c'est vrai. Village vacances, quoi. C'est, ouais, village vacances, ouais. Bon, écoute, t'as bien profité, tant mieux, hein, Fred. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas. allez, salut. Salut, Fred. Merci, Brian. À bientôt. À bientôt. Salut Brian, et puis Laura bouge pas, on a Mike dans un instant qu'on va essayer de récupérer. Soraya également qui a déjà eu l'occasion de tester apparemment l'amour au travail, Soraya, hein, qui nous avait appelé à la base pour la colle, hein, mais ça n'a rien à voir. Alors Soraya? Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé chez toi? En fait, c'était pas chez moi, c'était au boulot en fait. Et donc voilà, c'était un collègue, le collègue s'amusa donc à me provoquer, en fait ça s'est fait chez lui quoi. Ah d'accord, donc ça c'est il t'a chauffé au boulot, mais en fait après vous avez conclu la maison. Ouais, mais c'était pourri donc en et fait. Et t'es encore avec lui maintenant? Ah non, mais c'était un collègue, c'était comme ça. Ah d'accord, ouais, c'était comme ça un petit coup pour passer le temps. Voilà. Soraya, voilà. Combien mesures-tu? 1m74. Ah oui, tu es grande, wow. Toi par rapport à nos auditrices. Alors quel est ton poids? 60. Ah c'est pas mal. Ouais non, c'est pas mal, c'est dans la moyenne. Quel est ton tour de poitrine? 90. Oh là là. Ça c'est la taille normale, c'est la taille réglementaire. Hein, pour les c'est la moyenne en tout cas des auditrices qu'on a pour l'instant. Ouais. Et la taille du pantalon que tu as acheté? 36. Non. Qu'est-ce qu'elles sont bonnes? Oh là là. Alors t'as de la concurrence hein? Ah ouais. Ah ouais, là, il y a un peu de concurrence quand même. Enfin bon, allez, c'est pas grave. C'est pas jalouse. Mais non, c'est le principal. Bon, en même temps, Saint-Etienne, Montpellier, c'est sur le chemin, donc ça c'est va. Vrai. Un package, voilà. Je fais un aller-retour, quoi. Exactement, ouais, c'est ça, le petit package. Bon, Laura, reste encore avec nous. On a Mike dans un instant. Soraya, on donne la réponse à la colle juste après le son de Basto avec Dance With Me. Et donc, la colle, c'est la suivante. Hein. Je suis plus puissant que Dieu, je suis plus méchant que le diable. Le riche en manque et le pauvre en possède. Si vous avez la bonne réponse, donc qui suis-je? Vous envoyez Mickaël, les 4 lettres, espace, la réponse au 64-900 ou alors tout simplement au 63-22 pour la Belgique. Voilà, on donne la réponse juste après. Tu restes avec nous, Soraya? Oui, bien sûr. Ah bah surtout avec ces mensurations-là, effectivement, reste avec nous. Oui, hein. Ne t'en vas pas. Ouais, je m'en vais pas. C'est bien dommage de partir en si bon chemin, Soraya. Bon, reste là et le PlayStation 3 et Beyond Two Souls à gagner. Juste après, le son de Bastok, on écoute maintenant sur Fun Radio avec Dance With Me. On fera le top tweetos également tout à l'heure sur Fun Radio. Venez nous rejoindre sur le Twitter, vous tapez le hashtag Mickaël pour parler ensemble et puis ajoutez-moi en tapant Mickaël officiel, je vous ajouterai également. Bonne soirée et bonne nuit. Elle va te faire enculer au clochard. Fun Radio. Mickaël, nos limites, c'est tous les soirs, 23h, 2h. Sur Fun Radio. En direct sur Fun, minuit 42, on est là tous les soirs sur Fun Radio, du lundi au jeudi de 23h à 2h du mat, et puis le dimanche soir aussi à 20h minuit, il y a Sayaruka aussi sur le Twitter qui dit je préfère les mensurations de Laura. Ouais, parce que c'est du dé, mais après c'est pas pareil quoi, voilà, c'est juste pas pareil. Bon, dans un instant sur Fun Radio, on aura Anthony, on aura aussi Mathieu, Laura qui est toujours là évidemment, et Mike pour parler du sexe au travail, et en parlant de sexe au travail, je pense qu'il est temps également de faire encore un petit appel. Ah. Mais avant de faire l'appel, nous avons Soraya, et nous allons jouer avec la colle. Soraya, tu es toujours là? Oui, toujours. Très bien. Alors, on y va, Soraya. On va donc appeler maintenant le gagnant ou la gagnante, celui qui aura envoyé par SMS la bonne réponse ou sur le Facebook. Si la personne qu'on appelle maintenant décroche et répond bien à la question, c'est gagné. Si elle décroche pas, c'est gagné également. Et puis, sinon, c'est perdu pour toi. Allez, on y va. Est-ce que la PlayStation va partir à Saint-Etienne ou pas? Attention. Note à cette heure-ci, t'as de la chance, hein. Minuit 43, peut-être que ça dort. Hein. Si c'est le répondeur, tu gagnes. Enfin, si le répondeur n'a pas le... Ah. Bonjour, vous êtes sur la messagerie orange de... Attends. Yves. Ah, Yves, veuillez très bien. Laisser votre message après attends, on va appeler, on va demander au répondeur. Ouais, salut Yves, c'est Mickaël, ouais. T'es en direct sur Fun Radio, je t'appelais pour la colle. Alors, il y a Soria qui a une colle à te poser, alors vas-y Soria. Je suis plus puissant que Dieu, je suis plus méchant que le diable, le pauvre en possède, le riche en manque, qui suis-je ? Alors, le répondeur de... Comment c'est Kevin ? Non, merde, j'ai oublié. Yves. Yves, excuse-moi. Le répondeur de Yves, est-ce qu'il a une réponse ? Ah bah non. Eh ben, il n'a pas de réponse. Ah, malheureusement, le répondeur de Yves, là, pourtant, on a attendu. Hein. Bon, eh ben, du coup, Soria, grâce à Yves, c'est gagné. Ah, et ben voilà Soraya, et en plus Sophie vient te livrer la PlayStation. Oui, je te la porte. Exactement. Je te la porterai nue. Avec plaisir. Oh génial, nue en plus, là, comment t'expliquer que. Tu seras au top Soraya. Ah ouais, t'as de la chance là. Hein. Oh là là, moi je serais toi, je refuserais. Hein. Ah et je franchement. Là, au point où j'en suis, j'accepte tout là. Ah mais oui, comment ça, pourquoi au point où t'en es Non mais c'est moi seul, j'ai gagné là. Ça fait plaisir, j'ai gagné la play, donc voilà. Ah bah je te confirme, PlayStation 3 et le jeu bien sûr, Beyond Two Souls, le dernier, un jeu qui ne sortira que la semaine prochaine et qu'on t'offre donc en exclusive. Voilà. Et bah voilà Soraya, je te fais des gros bisous. Moi aussi, par contre j'ai un numéro si tu veux appeler pour le. Ah avec plaisir, bah, tu vas le donner à Sandro et tu peux remercier Yves, hein. Il est encore sur le répondeur là, il va venir demain matin. Bah merci, bah, il va avoir les boules. Ah bah oui là il va avoir les boules, je te confirme. Bon bah salut Yves et puis bah bonne chance Yves hein, pour le message de répondeur là, désolé. Hein. Désolé, et puis quand tu veux. Salut Soraya. Vous voulez que je vous dise la réponse, non, peut-être Oui, bah c'est pas une mauvaise idée, effectivement. C'est quoi la réponse? Non, c'était rien. Ah oui, je suis plus puissant que Dieu, rien. Je suis plus méchant que le diable, rien. Le riche en manque de rien et le pauvre en possède, il possède rien. Bien vu Soraya. Eh bah écoute, grâce à ça, tu repars donc avec la PlayStation 3 et Beyond Two Souls. Il manquait juste un truc. Quoi dans le cerveau de Toff? Ah rien, voilà. C'est vrai, tu aurais pu rajouter ça aussi, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'ai pas pensé. Eh oui, effectivement, oui. Regarde, d'ailleurs, ça résonne. Bon, salut Soraya, en tout cas, je te fais des salut, bisous. Salut, merci, bientôt. Gros bisous à vous tous, à bientôt. Salut, Toff t'embrasse sur le ton 90C. Oui, je te laisse. Voilà, salut Soraya, ciao. Salut, bon, ciao. Retour avec Laura, Mike et Mathieu dans un instant, et puis on fait encore un petit appel. Allons-y. Mais oui, Laura, on appelle encore là pour voir le sexe au travail, si les gens pratiquent. Ah bah oui, carrément. Allez, c'est parti, on y va, on appelle tout de suite. Et c'est Toff qui s'y colle, comme d'habitude. Va-t-il se faire insulter ou pas? Je l'espère. Bah, j'espère que oui. On va voir. Yadré. Oui, allô? Oui. Oui, bonsoir monsieur. Voilà, en fait, je vous appelais parce que je voulais savoir si vous aviez déjà eu des rapports sexuels sur votre lieu de travail. J'en ai pas eu, et vous? Bah moi j'en ai eu. Ah ben c'est très bien, parlez-moi ça alors. Non mais en fait c'est moi qui vous appelle monsieur, donc c'est moi qui pose les questions. Ah mais moi c'est vous qui me posez les questions. Oui. Mais moi je veux savoir la réponse de votre histoire. Ben voilà, moi ça m'est arrivé à plusieurs reprises d'avoir des rapports sexuels sur mon lieu de travail. Mais comme il y a un Français sur deux qui a eu des rapports sexuels sur son lieu de travail, ça veut dire que si c'est pas vous, c'est votre femme. Ah possible, c'est possible, possible. Ah oui, donc votre femme a eu des rapports sexuels sur son lieu de travail. Voilà tout à fait. Ah régulièrement en plus, ah oui, donc votre femme est un petit peu cochonne quoi. Ouais. Voilà, comme vous, comme vous, je pense. Hein. Oui, nous on est des on est des gros cochons. Oui. C'est très bien, c'est très bien. Alors le pourcentage, ça vous a suffi? Oui, c'est parfait, je vous remercie monsieur. C'est très bien, c'est très bien. Allez, une bonne soirée. À vous aussi, au revoir. Et bonne masturbation. Merci monsieur. Allez, allez. Et faites ça avec un chien, ça sera plus sympa aussi. Qu'est-ce que il est complètement fou. Faites ça avec un chien, mais n'importe quoi. Il est ouf. Complètement. Il doit pas être, il doit pas être clean dans sa tête, à mon avis. Il avait quelques petits problèmes. Oui, je pense également. Bon, Laura, Mathieu, dans un instant, vu rester avec nous. Mais nu. Voilà. J'avais une question à te poser, tiens, Laura, puisque t'es là, tiens. Quand t'auras retrouvé un mec. Oui. Vu que le tien, tu vas bientôt le dégager. Est-ce que tu es prête à tout partager avec lui? Ah mais moi oui, je partage tout, je suis assez ouverte. C'est vrai? Oui, ouais. Ouverte ça on a bien remarqué hein, mais donc tu partages tout. Moi je t'ouvre en deux quand tu veux. Non c'est bon, attends, on a compris. Non, je te demande ça parce qu'en fait il y a un couple d'Américains qui a décidé de tout partager dans la salle de bain alors pour économiser. Hein. Alors ils partagent une douche de 2 minutes avec un seul gel douche avant d'utiliser le même coton-tige, quelle horreur. Ah, la même brosse à dents, le même rasoir, le même fil dentaire, la même serviette. Et dans le but donc d'économiser de l'argent. Alors je voulais savoir si vous seriez capable de faire ça dans le but d'économiser de l'argent comme les deux ricains là. Non, pas du tout. Ah, mais t'as dit que tu partageais tout? Ah ouais mais non, chacun ses microbes hein. Ah oui non mais d'accord, mais tu partages pas tout alors? Ah bah non, mais pas la brosse à dents, quelle horreur, que tu dis, bah. Ah oui, oui, ça je suis d'accord, effectivement. Bon, Laura, on va en parler dans un instant justement de ça aussi d'ailleurs. Qu'est-ce que vous seriez capable de partager avec votre copain, votre copine? Est-ce que vous partagez tout? Est-ce qu'il y a des trucs? C'est chacun sa vie. Venez nous en parler. Appelez maintenant Sandro 01 42 48 5000 ou 02 851 4 x 0. Et on va accueillir Sonia qui est avec nous maintenant là. Comment ça va, Sonia? Oui, ça va et vous? Écoute, ça va plutôt bien, Sonia, tranquille. Bon, Sonia, tu nous appelles pourquoi? Je vous appelle pour faire un canular. À ta copine. Copine ou une amie? Non, ma copine. Tu aimes les femmes qui aiment les femmes? Non, pas du tout, c'est ma copine, c'est ma sœur, quoi. Ah oui, ah bah donc c'est pas ta copine, c'est ta copine. Copine, c'est genre c'est ta petite amie quoi, mais c'est pas le cas. Ouais, non, c'est ma copine. Voilà, très bien. Toi, toi, t'aimes les couilles. C'est ça? J'aime les grosses couilles. Voilà, non mais comme ça au moins les choses sont claires dès le début quoi, c'est parfait. Bah oui. Bon alors Sonia, donc comment elle s'appelle ta copine? Elle s'appelle Tennessee. T'es sérieuse? Tennessee comme le Tennessee, l'État aux États-Unis? Non mais j'ai dit Tennessee. Oui Tennessee, ouais c'est ça, ouais. D'accord, ok. Bon bah écoute, pourquoi pas. Bon alors on y va. Après on va appeler Dakota et, ouais. Et la Caroline du Sud. Et toi Polo, c'est pas plus mieux, hein? Ah ça c'est sûr, c'est pas plus mieux. Bon alors Sonia, on va donc appeler ta copine et c'est quoi l'histoire? Tu veux lui faire croire quoi? De quoi? Tu veux lui faire croire quoi? Ben que voilà, que je suis à l'hôtel avec un mec, j'ai envie de faire la vaya mais j'arrive pas à m'en débarrasser. D'accord, parfait. Bon alors du coup là, comme j'ai de nouveau ma voix qui part en couille là, comme vous avez pu remarquer depuis hier, toi va faire le mec. Hein, toi va faire l'enculé puis moi je serai derrière pour. Ouais, je vais faire mon DSK. Ouais, c'est ça. Ouais. Oh la gueule du DSK là, l'horreur. C'est énorme. Attends, l'horreur. Je suis pas pire que lui. Oh, faut voir. Bah lui il est blindé. Ah ouais, ça c'est la différence. Ah tu vois, c'est hein. Voilà, il en a plus trop, il a donné beaucoup à Nafissatou. Ouais, ouais, c'est vrai, mais bon. Ah Sonia, tu préfères quoi? Un mec un peu moche mais blindé ou un peu moche et pauvre? Moi? Ouais. Franchement, je préfère que mon mec il ait un beau cœur qu'un bon corps. Oh ouais. Bon, donc c'est pas tough quoi. De toute façon, quoi qu'il arrive, ouais. Ça y est, ça s'est plié, c'est sûr. Bon, allez, c'est parti. On y va. On l'appelle Sonia. Donc tu lui fais croire que effectivement t'es à l'hôtel. Tof, il est là, machin. Nous, on est derrière, on fait la fête, etc. C'est le bordel. Quoi. Après, ne parlez pas trop parce qu'après ça va me faire rire. Ah bah non mais faut que tu tiennes ton sérieux parce que nous on va la rendre folle. Hein. Enfin, on va essayer de tout faire pour la rendre dingue. Hein. D'accord, vas-y, c'est bon, ok. Bon, allez, et si jamais tu commences à rigoler, tu t'écartes un peu du téléphone pour pas que ça s'entende. Après, on fait blague, ouais, vas-y, fais le passe et tout, et ouais. Après, on fait ça, ouais, on fait ça, ok. Bon, ça roule. Allez, c'est parti, on y va, on l'appelle, Sonia, là. Sois bonne, hein, si tu es bonne, il y a des cadeaux à gagner. Attends, merde. Aïe. Ah putain, attends, parce qu'on n'a pas, on sait même pas ce que Tov va faire là. Ah pardon, Sonia, combien mesures-tu? Je fais 1m62. D'accord, combien tu pèses? Je pèse 55 kilos. Quel est ton tour de poitrine? 110 E. Quoi? Et la taille des pantalons que tu as acheté? 36. Bon, Tof, t'auras pas trop de mal à faire le jeu, hein. Ah, moi je direct la branlette espagnole, je veux que ça, moi. Moi, je veux que ça et la faciale. Oh, merci, Tof, ça ira. Bon. Arrêtez, on est en train de manger, là. Oh non, oh. Qu'est-ce que tu manges? Je te remets de la sauce. Des pâtes carbo? Bah, bon, c'est dégueulasse, arrêtez de Bon, allez, on y va, Sonia, on l'appelle, c'est parti. Allô? Allô, Tennessee? Ouais, c'est qui? Ouais, c'est Noël, là. Pourquoi tu vas dans le privé? Ah, ma soeur, je suis dans la merde, ma soeur. Savais. Qu'est-ce que t'as, t'es dans la merde? Ah, je suis dans une merde, laisse tomber, même pas je te raconte, Tati. Mais c'est quoi la merde? Dis-moi, ma soeur. Je suis partie avec... t'as vu, Moha, t'es hier. T'es partie avec lui, ce soir? Je suis partie avec lui, on est parti, on se calait à l'hôtel. C'est lui qui a pris une chambre d'hôtel? Ouais. Et pourquoi t'as été avec lui dans une chambre d'hôtel? T'es sérieuse, Noël? Écoute-moi. Elles vont faire le cinéma toute seule. Hein. Écoute-moi, ma soeur. Ma soeur. Tu m'écoutes? Je t'écoute. Oh, et là, je suis avec lui. Et il veut pas me lâcher, il veut pas me laisser ma charge. Non, mais il est pas sérieux sur la tête. Ma mère, je t'arrête pas, là. Il veut pas te laisser partir, là. Tu délires, Nawal, je te crois pas. Mais, oh, Tennessee, je rigole pas avec toi, là. Et pourquoi tu m'appelles en privé, alors, Nawal? Mais c'est pas mon téléphone, je l'ai pas, ma soeur. C'est bon, Mais sur la tête, ma mère, je t'arrête pas. Il est, oh, il était avec qui, toi, là? Je suis avec Flora, là, on est en ville. T'es sérieuse? En pleine nuit. Ouais, t'es où, toi? Vas-y, attends. Attends, je le passe. Ouais, allô? Ouais, qu'est-ce qui se passe avec ta pote, là? Quoi, qu'est-ce qui se passe avec une pote? Bah, je sais pas, elle vient à l'hôtel, elle me dit, ouais, viens, on va baiser, et là, on baise pas. Moi, je suis un peu dégoûté, quoi, tu comprends? Répétez, s'il te plaît. Elle me dit, viens, on va à l'hôtel, on va baiser, et là, on baisse pas. Alors, faut que tu lui expliques, quand on dit, viens, on va baiser, on baise, quoi. Mais c'est quoi votre délire, là? Vous êtes sérieux, là, de faire ça? Mais c'est pas un délire. Moi, je ramène une meuf, je paye l'hôtel, je l'ai transportée jusque là, et même pas elle me suce la bite. Non, mais tu sais que si je viens, toi, je vais te faire cramer. Mais tu vas me faire cramer quoi? Moi, je veux bien faire un plan à trois, mais vous me faites pas le plan de venir à deux et on baisse pas. Non, mais c'est une grosse blague ça. Mais je te garantis, c'est une blague. Tu dis bien à Nawel que je vais la taper. Mais c'est pas une blague. Moi, tu dis soit tu dis à ta pote on baise. Mais jure-le. Mais je le jure, ce que tu veux. Moi, vas-y, moi, j'ai le braquemar, là, j'ai la gaule dans mon pantalon, il se passe rien. Et l'autre, là, elle est avec son 110, je peux même pas mettre la bite au milieu. Ah, attends, merde, elle a raccroché. Sonia, elle a raccroché, c'est quoi cette blague? Elle s'en fout de ta gueule. T'es sérieux? Mais ouais, elle a raccroché. Alors, en tout cas, elle va te taper, ça, c'est sûr. Bon, on rappelle. Rappelle-la. Ouais, on rappelle. Allez, c'est parti. Messagerie Orange, bonjour. La personne qui... Elle est sérieuse, là, Sonia, là? Merde! Attends, et Sonia qui nous a foutu sur le double appel? Ah putain, ça pue le truc, ouais, elle rappelle directement Sonia. Merde! Bon bah c'est mort. Et mais qu'est-ce qu'elle est con? Pourquoi est-ce qu'elle a décroché le double appel? Parce qu'elle est con. Oh parce putain! Quelle talasse! Et qu'on peut pas avoir des gros nibards et être un c'est pas possible, on peut pas tout avoir. Bon bah c'est mort hein, du coup. Ah putain, c'est dommage parce que ça partait bien là. Ouais. Toff était bouillant, chou bouillant, il y a Clem qui dit 110 pété de rire. Ah ouais, ça c'est pas du enfin c'est lourd quoi. Et Stéphanie qui dit comment elle parlait les meufs là, sérieux, et moi qui trouve que je parle mal. Oui, bah tu vois comme quoi finalement hein, tout arrive. Bon bah du coup celui-là il est mort, hein, c'est pas grave. Si vous voulez vous aussi tenter votre chance là, si vous voulez faire un petit canular, c'est dommage, j'avais un casque focal de 200 euros à gagner ce soir, c'est con. Donc si vous voulez le gagner, si vous voulez faire un petit canular tout à l'heure avant 2h du mat, on va jouer ensemble à 01 42 48 5000 ou 02 851, ouais. 4x0. Ah merde, putain, Laura. Oui. Attends, ouais. T'es chaud comme la braise là sur le 110E là maintenant. Bon bah voilà. Ouais, mais bon, ça fait trop mal au dos après. Oui, mais lui il s'en fout, hein. C'est pas Toff qui les porte. Hein. non mais tu vois ce que je veux dire, c'est ouais, pas mais lui. Bon après il risque de s'étouffer en dessous quoi. Ah ouais, ça c'est un autre mort. Problème. C'est une belle mort. Ça c'est un autre problème, c'est vrai. Bon alors, bah écoute, reste là, Laura, on va se mettre Capital Cities, tu connais? Ouais. Très bien, on va se le mettre maintenant, on reparle avec toi juste après, avec Mathieu également pour parler du sexe au travail, avec Anthony qui est là également, et puis on va encore, dites-nous si vous voulez qu'on fasse, si on n'a pas l'occasion de faire un autre canular, si vous n'avez pas d'idées ou nous on n'a pas de bonnes idées, si vous voulez qu'on réécoute un ancien, on avait fait... Quand on avait fait croire à un mec là qui on avait pris un lion dans la voiture. Ah oui, le lion, ça c'était énorme. Voilà, c'était avec Amine, voilà, t'avais écouté ça ou pas, non, Laura? Pardon? T'avais écouté ça, le moment où il y avait Amine, le lutteur, qui nous avait appelé pour piéger son boss en lui faisant croire qu'il était mort bourré, tu sais, à la... énorme. Ouais, avec énorme. Le lion, là, à la... Hangover, merde, very en français. Very bad trip, enfin, ouais, en français, façon de parler, mais enfin bon. Le titre en français, à la very bad trip, on avait appelé le patron pour lui faire croire qu'on avait un lion dans la voiture, enfin bref, une histoire. En québécois, si tu bois trop, t'es défoncé. Exactement. Bon, on se fait Capital Cities maintenant sur Fun Radio, un de mes sons préférés d'ailleurs, hein, depuis un petit bout de temps maintenant. Capital Cities avec Safe and Sound. On termine avec Laura dans quelques minutes. On appelle également encore d'autres personnes avec Toff. Et puis on se mettra peut-être encore le canular d'Amine là, quand on a appelé pour les lions là. On fait ça avant 2h du mat sur Fun Radio. Bonne nuit, c'est Mickaël No Limit, bienvenue. Venez foutre le bordel tous les soirs. Fun Radio. Sur Fun Radio, on est là, il est 1h du mat, on est encore ensemble jusqu'à 2h, alors profitez-en, il n'y a pas de pub en plus sur Fun Radio la nuit, donc profitez-en bien là, jusqu'à 2h, on est tranquille, il y a Coralie qui dit on peut avoir un 110E et être intelligente, il passe tout seul. Ah, oui. Écoute, je ne sais pas ce qui passe tout seul, mais... Moi j'ai bien des idées, mais... J'imagine. Qu'est-ce qu'il y a, Polo? Non, il peut pas avoir et les MDMs en bouche et en même temps parler, c'est compliqué. Hein. Non, en fait, c'est quand j'ai dit sur le 110E. Ouais. Et en fait, elle a dit, il passe tout seul le 110E. Ah, il passe tout seul. On peut pas avoir un 110E et être intelligent. D'accord. Et Stéphanie qui dit, moi je veux le canular du lion, là je le connais pas. Ben, t'inquiète pas, on va te le mettre avant la fin de l'émission. C'est aussi l'anniversaire du Prince Adia ce soir, ben, juste après bon Toff, tiens. Attends, bon musique d'anniversaire. Non, merde, pardon. Musique d'anniversaire, il est là, c'est parti, musique d'anniversaire. Voilà. En l'absolu, c'est pour tous ceux qui sont les 4. Hein. D'ailleurs, cette off, hein, l'âge du Christ, ça y est, il n'ira pas jusqu'à 34 théoriquement. Dis pas ça. Bah quoi? Le Christ a bien pas été plus loin. Mais tu vas mourir, tu vas mourir. Ouais, mais il est resté dans l'histoire, lui. C'est, oui, bah toi aussi, mais toi tu resteras dans les annales. Et des cons. Voilà, pas les mêmes annales. Des cons, ouais. Exactement. Le canular du lion, ce serait sympa, là, comment dire, 15 fois baisse dans une seule phrase, c'est Megumi, et puis Prisca qui dit, oh là là, ça rigole pas, là, elle va la défoncer. Mais malheureusement, là, cette idiote, elle avait, putain, c'est relou, là. Ouais, ah, je suis vénère, qu'elle a mis en double appel et qu'elle a décroché, là. Ça nous a tué le canular, c'est dommage. Ouais, ouais. Mais oui, Megumi qui dit, Tof qui prend l'accent Kaira. Enfin, il a essayé, mais comme vous avez pu remarquer, c'est pas trop. Ouais, je suis pas une grosse Kaira, quoi. Il est pas très bon dans le domaine. Pourtant, j'ai habité à Aubervilliers, mais ouais, pas... c'est vrai, c'est vrai. Bon, Laura avec nous de retour, Montpellier-Rennes, et Laura le 90D. Hein. Ouais, toujours. C'est ça. Hein. C'est ça. Je retiens plus le 90D que le reste, je ne sais pas pourquoi. J'attends la photo. Hein. Oui, c'est vrai d'ailleurs. Polo attendait la photo, malheureusement, tu n'as rien eu, puisqu'en plus, tu avais préparé une petite soirée sexy pour ton mec qui, en fait, t'a annoncé qu'il se barrait. C'est un connard, ton mec. Voilà, non, mais très sympa, quoi. T'étais avec lui depuis combien de temps? Ça faisait pas très longtemps, ça faisait 4 mois. Oh, ça va, d'accord. Mais oui, je me console avec ma bouteille de rosé. Mais... très bien, Laura, t'as bien raison. Attends, tu me fais peur là. Qu'est-ce que tu fais avec cette bouteille de rosé? Bah, elle se. Ah, si tu savais, mais. Eh, bon, n'oublie en même pas, temps, elle pas laisse... chose, hein. Si, si, laisse le bouchon, hein. Oui, parce que sinon ça fait appel d'air. Exactement, et tu vas finir à l'hosto, là. Alors fais attention. C'est un bon coup pour voir les pompiers, ça. Oui, c'est vrai. Vrai, mais en même temps, franchement, moi je suis pompier, j'ai une meuf avec une bouteille qui reste coincée à l'intérieur, ça me donne pas envie de me la faire. Hein. Ouais. Ou alors faut vraiment qu'elle soit méga bonne, quoi, tu vois. Mais vraiment méga bonne. Enfin, de toute façon, je suis pas pompier, donc en comme même ça temps, ça fait une double péné facile. Hein. Merci, Tof. Bon, alors il y a Mathieu qui est avec nous également, là, qui vient de dire bouah, dégueulasse, et normal d'ailleurs. Hein. Mathieu, t'avais encore un truc à ajouter par rapport au sexe au travail? Ouais, un petit truc. Dis-moi. Alors, déjà, je pense être dans le même lycée. Avoir été dans le même lycée que Mike, je suis de la Chauda. Ouais, mais il est parti, Mike, on n'arrive plus à le joindre. Ah, il est parti? Bah ouais, il est parti, c'est dommage. Enfin, c'est pas grave. Tu voulais dire quoi, toi, Mathieu? Oui, je t'entends mal. Je dis, tu voulais dire quoi, toi, du coup, Mathieu? Alors, du coup, ben, en fait, voilà, au lycée, enfin, moi, je fais partie du lycée, mais je faisais pas partie, comment expliquer? Enfin, j'étais dans le lycée, mais je faisais pas partie intégrante du lycée, en fait. J'étais dans une filière à côté. Mmh. Et on avait cours le mercredi après-midi. Ouais. Donc on s'est retrouvé quelques élèves pour préparer la cuisine. Et on s'est retrouvé une fois, donc une élève et moi. Et bon, ben, ça a été un peu de partout dans l'issue, en fait, vu qu'il n'y a que nous. Un peu de partout. Ouais, ça veut dire un peu sur les plans de travail, sur la cuisinière. Ouais. J'avais bien compris. D'accord, ok. Et donc un peu de partout, c'est-à-dire que t'as essayé dans les salles des profs, les couloirs, les salles de classe, tout ça, quoi. Non, on n'a pas été jusqu'à la salle des profs quand même pas, on sait jamais. Ah bon. Les couloirs non plus, mais les classes, c'est quasiment pareil, quoi. Les classes, ça a été fait en long, en large, en travers. Ça a été assez rigolo. D'accord, ok. Bah t'as sympa, voilà. Tu vois. Eh, Laura, il a 23 ans, ça pourrait t'intéresser, non? Ah, c'est un peu jeune, hein. Oh, comment ça, c'est un peu jeune? J'ai 22 ans et demi, moi. Tu les cherches, oui. Tu les cherches à quel âge? Oh, bah, 30, 35. Ah, bah, t'es parfait, Laura, je suis pile dans la cible. Ouais, pile dans la cible, il y a 33 depuis hier, Tof, Laura. Et ah, en parlant... intéressant. Ouais, je savais, Laura, que ça allait chauffer. Tu parles. Enfin, t'as pas encore vu le modèle, hein, Laura. Hein. En parlant de sexe... C'est bientôt mon anniversaire, après, me faire un cadeau. Ah, toi aussi? Oui, c'est vrai, ouais. Que ça pourrait être un cadeau. Ouais. En parlant de sexe au boulot, quoi? Non, mais on cherche avec Tof s'il y a des très très jolies filles qui sont intéressées par coucher à Fun Radio, on va ouvrir le store. Non. C'est le Fun Store tous les soirs, à partir de 2h du mat jusqu'à 5h. On est prêts, Tof et moi, à ouvrir la porte du grand boss et on va faire ça dans son bureau. Ouais, moi je suis chaud. Bah écoute, il y a la photo sur Twitter. Hein. Ouais. La photo de quoi? De tes sous-vêtements? Non, photo de profil. Ah, bah d'elle, Laura, de qui veux-tu? Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Laura, c'est requin sur Twitter. Attends, j'y vais. C'est requin, je sais plus quoi, un nom à rallonge. Il y a le président qui dit le canular aurait pu être super parfait juste avant. Mais oui, c'est dommage qu'elle ait balancé les trucs à la con, quoi. Enfin bon, il y a trop de nichons dans cette émission, c'est Ted. Non, il n'y en a jamais assez, Ted, voilà. Tu n'as rien compris. Et Jordan qui dit demain je me lève à 6h et pourtant je suis encore là à t'écouter. Normal, c'est tellement une super émission, merci à toi. Bah merci à toi surtout, hein. Au niveau du partage, Mathieu, tiens, tu partagerais quoi, toi, avec ta meuf ou ton mec? Enfin, avec ta meuf, en l'occurrence. Pas grand-chose. Ah, rien, c'est toi. Encore rien, en fait. Je suis un peu radin, on va dire. Ah d'accord, non, ok. Ça dépend, ça dépend. Mais justement, si t'es radin, peut-être que t'auras les mêmes pensées que le couple là, américain là, qui partage tout au niveau de la salle de bain pour faire les économies, genre le même, même brosse à dents, même dentifrice. Bon, ça c'est pas très grave. Même douche, même eau de douche, même baignoire, même eau de bain, ouais, même. C'est abusé. Mais, alors le coton-tige, c'est le pire. Oui. Ah, ouais. La douche, le bain, à la limite, mais pas le coton-tige, une brosse à dents. Ah non, mais c'est ça, le coton-tige, quoi. Ça c'est quand même très violent. Non, c'est hardcore. Ah ouais, franchement ouais. Franchement ouais, franchement ouais. Donc toi Laura, donc toi t'avais dit tu partages tout parce que t'es plutôt ouverte. Ouais, mais pas le coton-tige et mais tout. Mais pas hein, le coton-tige. Non, non mais mort. Oui, non mais d'accord, ok, très bien. Pendant qu'on y est, partagez même papier cul aussi. Ah c'est vrai. Ah juste. Dégueulasse. Ah, le crade, le truc bien crade, effectivement. Oui, oui, c'est bien, t'es une meuf bien crade, Laura. Hein. Non. Si, si, si, si, si, si, ça a l'air. Attends, il y a Dylan également qui est. Oh l'enculé. Dylan. Oui. Quel enculé alors. Ah si, ah si, ah si. Ah si, Dylan, je suis désolé. Ah non, non, ah, si. Non. Ah si. Non, non, enculé au clochard. Ah si, ah si, si, si, si, si, si, si. Si, si, si, si. Bah va te faire enculer, connard. Ah ouais, ouais, franchement. Oh non, mais oh, tu vas te calmer, hein. Ah non, mais attends. Tu vas te calmer là. Allez, dis-nous d'où t'appelles. Comment? Dis-nous d'où t'appelles. Ah moi j'appelle de la Guadeloupe. Oh espèce d'enculé, c'est ce que je disais. Espèce d'enculé. Guadada. Hein, pendant qu'ici il fait un tour dégueulasse. Quelle heure il est en Guadeloupe là, Dylan? Comment? Quelle heure il est en Guadeloupe? Ah, ben, il est 19h là. Non. Il est 19h. Putain, on passe à 19h, ouais, on dit va te faire enculer à 19h. Pendant que vous dormez, moi je suis là posé sur le lit. Oh putain, non mais ce qui est surréaliste c'est qu'on nous diffuse à 19h. Donc ça veut dire qu'on commence l'émission, il est 17h. Oh la c'est l'émission de l'après-midi. Ah, 17h, 20h. Eh ben va te faire enculer. Non, ça fait depuis les enfants depuis 15h que je suis l'émission quoi. Ah ouais, mais à 15h on était pas là, nous on est arrivé à 17h. Ah non, mais avant les ah ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ouais, voilà, donc nous on fait 17h, 20h en Guadeloupe. Oui, oh non là mais là. En fait ça fait une semaine que je suis, donc voilà. Ah bah écoute, sois le bienvenu Dylan. Bon, ben quel temps il fait en Guadeloupe là, à Sorcy là, il fait comment? Ben en fait, bon là il fait noir, ben mais... En fait, comment? Là il fait noir là. Ah ben oui, il fait noir bien sûr. Bon, et malgré qu'il fasse noir à 19h, il fait quelle température? Ah ben il fait 32 degrés. Eh ben va te faire enculer. Ah oui, bien. Ah putain, mais je suis sur le cul encore, mais y a pas de CSA au Guadeloupe? J'imagine. Quoi? Il y a pas de CSA en Guadeloupe, tu sais, le service là qui gère les radios, tout ça, non? Si, de temps en temps. Ah bah, à mon avis, ah, mais ils doivent être à la cool, tu vois, on aura un problème dans 10 ans seulement. bah oui. Ils doivent être à la plage. Radio, hein. C'est clair. Bon, et Dylan, tu nous appelais pourquoi? Juste pour nous narguer ou? Non, juste pour vous faire chier, quoi. Ouais, bah parce que j'ai vu qu'il y avait que des enfin je suis pas raciste bien sûr, entre parenthèses, que des Français qui appelaient, et j'ai dit bon, on va changer la donne quoi. Ah ouais, mais t'as bien fait Dylan. Et quand est-ce que tu nous invites là? On fait l'émission en direct de la Guadeloupe. C'est quand tu veux. Attends, il y a pas de problème. Il y a pas de problème, on se fait des petits ponches, des petits roms à la cool quoi. Par contre, tu vois, je paye pas le billet. Non mais t'inquiète pas, y a pas de problème. T'inquiète pas, on va venir à la nage, nous on a le temps. Ouais, t'inquiète pas. Allez, t'inquiète on pas. A un jet. Mais oui, on a un jet, on est con, moi j'ai qu'à mettre un petit peu de petit peu de kérosène et c'est parti hein. Hein, le petit jet là directement. Bah ouais, y'a pas de problème. Allez, pendant ce temps-là, Toff il viendra évidemment avec son train. Hein, il traversera l'Atlantique. Bah oui, on attend, moi j'y vais arriver, oui. Ah bah oui, bah il arrivera demain, hein. Enfin après-demain, voire après, voire il arrivera pas. Ouais. Il faut traverser la mer. Bah, il faut traverser la mer, effectivement, sauf s'il a un train volant, évidemment, sinon ça risque d'être compliqué, c'est clair, ouais. À moins que c'est possible qu'il puisse venir éventuellement avec sa super mobilette. Mais... il faut le savoir. De quoi? Non, je dis elle flotte, il faut le savoir. Eh bien, évidemment, oui. Tout à fait, d'ailleurs il y a Adrien qui demandait où était la mobilette. Bah t'es là, tiens justement, ouais. Bon bah écoute, bah merci Dylan en tout cas d'être passé. Hey, ça me trouve le cul qu'on soit diffusé en Guadeloupe de 17h à 20h. C'est énorme. C'est un truc non, de dingue. Mais j'écoute pas sur la radio, il y a pas ça passe sur la radio. Ah en fait, j'écoute sur le site. Ah, d'accord. Moi je pensais qu'on passait en direct, c'est genre sur Fun Radio Gouloup, non, non, comme mais, ça. Non mais vous avez pas quoi, non, vous avez pas quoi les moyens pour vous payer ça, hein. Ah bah attends, et on est bien à La Réunion, on est bien à Tahiti, déjà, alors... Vous êtes déjà à La Réunion, mais vous êtes pas encore en Guadeloupe. Ah bah il faut qu'on arrive, j'attends, là. Moi j'appelle quand même pas, mais c'est obligatoire. Bon bah on va venir avec notre pylône, et puis on va mettre un émetteur. Non, y a pas de problème. Voilà, ouais, très bien. Bah en tout cas, merci Dylan, tu nous as contacté mais comment du coup, t'as appelé directement le standard? Ah bah je fais sous via Facebook enfin. Ah via Facebook. Bon bah en tout cas pour tous ceux qui nous écoutent sur internet, si vous voulez nous appeler réagir, vous pouvez faire le 00331 47 42 48 5000. Voilà. 00331 42 48 5000. Non mais j'avais donné un ancien mais celui-là il marche plus depuis longtemps. Bon bah écoute, merci Dylan en tout cas. Il y a pas de problème. Eh bah à bientôt en Guadeloupe, on embrasse tout le monde et puis santé hein Guadeloupe, santé hein, Dylan. Ok, y a pas de problème. Tu bois un petit punch à ma santé. Ah, toujours. Ah, avec plaisir. Salut Dylan, ciao à toi. Ok, bye. Ciao. Ah putain, Laura, et dire que là, on a quelqu'un là de la Guadeloupe. Ouais. Ah, la chance. Ah putain, c'est clair. Alors qu'on pourrait être là, tranquille, au bord de la plage, en train de bronzer. Un petit c'est peu ça. De monoeil, tout ça, l'odeur, ouais. Le bruit des vagues, bon, les Caraïbes. Ça, moi, la plage, elle est pas loin. Hein. Ouais, c'est vrai, mais enfin, excuse-moi, mais entre les Caraïbes et la plage, la Méditerranée, il y a quand même une marge. Hein. Ouais mais bon faut se consoler comme on peut hein. C'est vrai. Alors que nous on est plutôt plus proche de la mer du Nord. Oui c'est, tu vois, c'est une mer brune très classe. Enfin bien quoi. Ouais propre et tout. On sent que ça donne envie quoi. Ouais mais l'avantage avec la mer du Nord, c'est quand t'as trop chaud, tu vas dedans, t'es refroidi quoi. Tu vois, directement il fait frais, t'es tranquille. Enfin, généralement, quand tu vas à la mer du Nord, t'as pas trop chaud. Oui effectivement c'est vrai. Bon on aura Caroline aussi dans un instant de Rambouillet là. Salut Caroline. Salut. Comment ça va? Bah bien et toi? Ça va, oh, tranquillement, tranquillement. Oh, c'est bon, une seconde, j'ai même pas le temps de dire bonjour. Oh, ça va. Alors, attends, combien mesures-tu? Combien mesures-tu ma feuille? 1m60. C'est parfait, c'est dans la moyenne c'est de c'est nos parfait, autres. Ça, oui. Combien pèses-tu? 53. Très bien, c'est parfait. C'est un petit peu au-dessus, mais c'est bien. Oui, quel est ton tour de poitrine? 85B. C'est un peu en dessous, ça, par contre. Et la taille des pantalons que tu as acheté? 34. Oh, ça nous empêche pas de. Qu'est-ce qu'elle est bonne? Vas-y, toi! Qu'est-ce qu'elles sont, hein? Un bon petit cul et tout. Merci, Toff. Bon, en tout cas, Caroline, ne bouge pas là, nous allons parler du sexe au travail dans un instant avec toi. Hein. Oui, exactement. Parfait. Et puis, on va vous diffuser aussi le canular qu'on avait fait avec les lions, là. C'était il y a quelques semaines, puisque celui qu'on avait prévu ce soir, il a foiré en plein milieu. Hein, c'est dommage. On fait ça dans un instant et on va s'écouter le son de Stromae, le nouveau, avec tous les mêmes. D'accord? On parle de Toff. Non, moi, j'aime pas. Ah, t'aimes pas. Bon, qu'est-ce que tu veux écouter alors? Moi, je vais écouter un peu de Tsunami. De Tsunami. D'accord. Alors, DVBBS. Attends, il est où celui-là? Exactement. Alors, DVBBS, tu me prends. Ah, voilà, c'est ça. Peut-être parfait. Bah, désolé pour les fans de Stromae, ça sera pour un autre jour. Voilà, DVBBS avec Tsunami. C'est bon, là, comme ça? Merci. Tu vas kiffer? Oui. Très bien. Déjà. Et Toff, il va danser sur tes petites fesses. Ah oui. Voilà. Je vais venir te claquer. Quand tu veux, allez. Attention, Rambouillet, c'est pas loin. Enculé de ta mère, t'es. Elle t'a mis au mot, t'as calculé sous ton front, connard, t'es. Espèce d'enculé, t'es. Enculé de ta mère, t'es. Ta gueule, connard, t'es. Enculé de ta mère, t'es. Elle t'a mis au mot, t'as calculé sous ton front, connard, t'es. Espèce d'enculé, t'es. Allez vous faire foutre, j'ai fait des têtes de cons. Tous les soirs, 23h-2h, sur Fun Radio. Ouais, au bon accueil, bonjour, hein, si vous venez, Mickaël de Limite, c'est comme ça, tous les soirs, on est là, on est tranquille. Pour le coton-tige, chacun son côté, c'est pas crade. Ouais, mais enfin, comment t'expliquer que tu fais pas la même oreille avec le même? Enfin, deux poils, deux oreilles avec le même côté, quoi. Sinon, là aussi, c'est dégueulasse. Y a Soon Soon qui dit Toff va venir avec son pylône pour mettre un émetteur. Oui. Oui, je vais sortir mon gros pylône. Tu parles, mais on va pas y mettre très loin. Il y a Lucas qui dit, si je vous entendais dès 17h, je deviendrais complètement taré. Putain, cet enculé qui est en Guadeloupe. Ouais, mais bon, si on y va, ça deviendra un ami, évidemment, bien entendu. Jordan qui dit, le mec appelé de la Guadeloupe, ça veut dire qu'on t'écoute de partout, et ça, c'est bon. Bah, dans l'absolu, oui, effectivement, puisque via Internet, hein, on nous écoute effectivement partout. Oliana aussi qui dit, Mickaël, trop bonne soirée avec vous. Bisous à Sandro également, le message est transmis. Stéphanie qui dit, faire ça. Fun Radio, ce serait le kiff. Et alors Steve qui dit, moi je suis au taf en tant qu'agent de sécu, avec vous dans les oreilles, ça me donne la pêche. Bah tant mieux en même temps, hein. Bon courage à toi également. Bon courage à ceux qui bossent également. Et le prince qui dit, le fun store de 2h à 5h, nouveau concept, je retiens. Bah oui, comme ça, Polo et Toff, ils vous font visiter la radio, une petite cartouche en chaque pièce de la radio, voilà. Et on fourre après. Voilà, c'est ça, exactement. Donc tranquille, quoi, tranquille. Bon, alors, on va récupérer Laura et Caroline. Vous êtes la mademoiselle ? Oui. Oui, en plein, en cœur et tout, c'est beau. Il y a Mathieu qui est là également. Mathieu ? Oui. Ah, pas mal, pas mal, pas mal. Voix de fille aussi, c'est très bien, Mathieu. Bon, Caroline, t'as kiffé le DVBBS ? Ah ouais, nickel. J'ai dansé ça dans ma voiture, tranquille. Ah, dans ta voiture, tu as dansé, c'est très bien. Bon, alors Caroline, c'est quoi le sexe au travail, toi ? Parce qu'on en avait parlé tout à l'heure. C'était un sondage sur lequel on était tombé parce qu'apparemment, 47% des gens avaient déjà pratiqué le sexe au travail. Et donc, on voulait savoir justement, effectivement, si vous, c'était le cas aussi. Apparemment, oui, hein, vous êtes nombreux et nombreuses à nous avoir appelés pour nous dire que c'était le cas. Plein de messages sont arrivés également avec le Twitter hashtag et Mickaël. D'ailleurs, venez nous rejoindre hein, si vous me faites un petit follow. Moi aussi, je vous ferai un follow back, surtout par derrière les filles. Pour les mecs, ce sera une poignée de main, ça ira très bien. Donc pour les autres, Mickaël officiel sur le Twitter. Et puis vous venez également nous rejoindre sur le Facebook de l'émission, facebook.com/Mickaël officiel. On est plus de 194 000 pour une émission qui a un peu plus de 2 mois. C'est raisonnable. D'ailleurs les filles, Caroline et Laura. Oui. Vous êtes sur le Facebook et le Twitter aussi ? Oui. Moi, si Facebook, mais pas Twitter. Eh ben comment ça se fait, Caroline ? Bah alors. J'aime pas. T'aimes pas quoi ? J'accroche pas. T'aimes pas quoi ? J'accroche pas avec. Je sais pas, j'accroche avec quoi ? Pas avec Twitter ? Oui, je sais pas. Ah, oui, non, mais d'accord, ok. Moi, je pensais que tu disais que. Non, pas avec vous. Je croyais que t'accrochais pas avec nous, Caroline. Ah bah non, ça m'aurait ennuyé, ça m'aurait ennuyé de te mettre un petit coup de claque, là. Hein ? Ça m'aurait. Bon, du coup, rassure-toi, je l'ai mis. De quoi, des claques ? Bah oui. D'accord, ok, parfait, c'est bon. Ça m'étonne que Toff n'est pas encore n'est pas dégagé. Oui, oui, oui. Mais si, moi je vais lui mettre des claques quand elle veut. Ouais, c'est ça. Elle va lui claquer sa petite fesse. Ouais, bon, Caroline, alors, c'est quoi ton histoire de sexe au travail ? Bah en fait, je viens de le faire tout juste là en fait. Non, en plus, fallait nous appeler sur dans l'acte. Eh putain, fallait nous appeler non, à ce moment-là. Non, mais si, fallait nous appeler à ce allez, moment-là. Ah oh, putain, bon, recommence. Il est où le mec ? Coquine. De quoi ? Il est où le mec là ? Bah là il est rentré chez lui, non. Ah bah on va t'envoyer Toff alors en rembouillé là dans 78. J'arrive. Je saute sur ma mobylette. Exactement, et directement il arrive. Attends, la mobylette démarre là. Voilà, pas de mal. Voilà, direction direction Rambouillet, Caroline. Putain, pourquoi tu nous as pas appelé en live, là ? Ah oui ! Ah bah, je vous ai écouté quand j'avais fini, donc trop tard, quoi. Ah bah non, mais bon, Caroline, putain, faut penser aux potes, là, quand même, à un moment. Hein. Non, mais déçu, non, mais... déçu, déçu. Ah, ah ouais. Mais c'est vrai, là, tu vois, là, on n'a pas l'impression que t'es une amie à nous, quoi. Bah, désolé. Bah ouais, la mais bon. La prochaine fois, peut-être. Bah, comment ça, peut-être ? Évidemment sûrement. Que la prochaine fois, tu vas nous appeler. Déjà qu'hier, on a dû appeler un téléphone de cul, alors c'est pour te dire. Oh, quelle horreur, il... Hein, on s'est fait dégommer par le boss aujourd'hui quand il a vu l'addition de tous les appels qu'on avait fait. Donc là, on pouvait avoir un appel gratuit. C'est quand même vachement plus pratique. Ouais, c'est vrai. Bon, donc je compte sur toi la prochaine fois. Donc du coup, tu l'as fait, mais tu l'as fait où alors ? En fait, moi, je travaille dans la restauration. On l'a fait dans la cave. Ah, dans la cave de la restauration. Tu travailles dans quoi comme un resto, c'est-à-dire ? Je travaille dans un hôtel 4 étoiles sur Paris. Ah, d'accord, ok. Parce que justement, on cherchait un endroit où loger. Voilà. Mais véridique, donc nous on peut passer, hein. Tu peux nous avoir des prix, pas de problème. Hein. Je peux vous avoir 80 euros la nuit. Ah, je croyais que t'allais nous dire 80%. Non. 80 euros la nuit la suite, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Au lieu de 700 euros, ça va. Au lieu de 700 euros ? Oui. Mais attends, tu travailles dans quel hôtel ? Je travaille sur les Champs. Ah bah pas non ah bah putain c'est à côté de la radio. Attends, il est content, il a des étoiles dans ses yeux là qui viennent d'arriver. Eh mais c'est à côté de la radio, Caroline. Ah bah je sais pas, je connais pas. Enfin... Mais tu vois l'avenue Montaigne. Pas du tout. Ah ouais, toi tu connais rien. Non, connais je connais pas très très bien Paris. Bon, tu vois l'Arc de Triomphe. Oh non, c'est quoi? Oui, non. Oui, je le prends tous les soirs. Tu le prends, ah, tu le prends avec, il va falloir le laisser à maman à sa place, c'est pas à toi, hein. D'accord ? Faut le laisser à sa place. Bon, eh ben tu descends les champs et hop, on est là sur la droite. Direction la Concorde, hop à droite. Et hop, ouais, hop. Voilà. Ok, bah je passerai la prochaine fois. Bah écoute, avec plaisir, comme ça tu viendras avec ton mec et puis tu testeras ici dans le studio, on prend live. Avec le mec, on va tester ça ensemble là-haut. Ah oui, on fera le fun store. On ira au 6ème. Voilà, c'est ça, et toi tu fermes ta gueule. Bon, Caroline, donc tout ça. Ça ne parle pas. Ils sont morts de rire. Le petit chien. Scandaleux. Vous êtes méchant avec moi. Je suis outré. Bon anniversaire, Christophe. Je t'en ai appris hier. Oui, c'est vrai que c'était hier. Oui, ah, c'est vrai. Merde, bon, je disais, je ne sais plus. Oui, Caroline. Donc toi, tu l'avais essayé dans le. T'avais essayé où? Je ne sais plus maintenant. Tu m'as perturbé. Dans la cave. Ah oui, dans la... oui, bah sympa, très classe hein, d'ailleurs l'endroit. Avec des bonnes bouteilles, ouais, nickel. Ah oui, en ouais. plus. Ah oui, mais c'est enfin, cette cave-là, entre... d'accord, ok, j'avais pas compris que c'était cette cave-là. Entre les rats et les souris. Mais non, n'importe quoi, non. Bon, si, il y avait un peu de rats. En tout cas, je l'ai pas entendu. On est à Paris. Hein. Oui, c'est, bah, c'est ça, c'est ça. Et donc, du coup, c'était. C'était... Mais ça, c'était ce soir, donc tu travaillais. Putain, t'étais en train de niquer alors, à deux rues de la radio, t'es sérieuse? Bah oui. Et nous rien. Même on n'a même pas pu voir, même pas un appel. On a... En plus là on avait quatre gros GoPro dans le sac de Toff derrière, ouais, là on aurait pu directement y aller là. Attends, est-ce que je peux faire un arrêt sur image. Sur voix, non, sur voix. Ouais. Qu'est-ce que tu fais avec quatre GoPro dans ton sac? C'est au cas où. C'est au cas où, on sait jamais. On sait jamais, on sait ouf. Jamais. Toff, c'est un ouf. On a des M&M's. Ah ouais, c'est vrai qu'on avait ça. Ouais. Ça oh putain. Et ah ouais. On a un 4/4. Ouais, et puis on avait tout ouais, en plus là. Ouais, mais c'est Jérôme l'auditeur qui a ramené un gâteau pour l'anniversaire de Toff. C'est trop gentil, merci Jérôme. Voilà. iPad. Bah en plus. Bon, du coup, donc t'as kiffé Caroline, mais tu style à faire ça souvent sur le lieu de travail ou pas? Non. Enfin, deux fois, ça va. Ah, deux fois, ouais. Et tu travailles là depuis quand? Oui, deux jours, ah oui, mais ça mois. Fait 100% quand même de soir. Depuis 7 mois, d'accord, ok, très bien. Bon, bah écoute, parfait. Alors, bah écoute, Caroline, on passera avec Polo boire un verre à l'hôtel. Avec plaisir. Voilà. Très bien. Tu nous reconnaîtras? Mais déjà, on sait même pas où est le boss, hein, parce que comment t'expliquer que sur les champs, il y a plusieurs mais hôtels. Mais vous, hein. Je pense pas. Ouais, mais 4 étoiles sur les champs, je crois qu'il y en a pas beaucoup. Ah, je sais pas, mais on mènera l'enquête, Caroline. C'est pas vraiment sur les champs, c'est avenue Marceau, pour vous guider un peu. On est des beaux gosses. Mais c'est d'accord. Ne serait-ce pas l'hôtel du même nom? De quoi? Je dis, est-ce que ce serait pas l'hôtel du même nom? Non. Ah, donc c'est très bien. Ouais, dommage. T'as fait content. Hop, on vérifie directement sur Google, Caroline. Attends, on est en train de se renseigner là, hôtel 4 étoiles. Vous voulez aussi l'adresse ou ça va? Bah, vas-y, c'est quoi 78 bis. Ah, ouais, voilà, très bien, comme ça on l'a trouvé. Il y a des mecs qui vont se pointer, ils vont dire ouais, salut, c'est Polo. Ah merde, merde. Non, je suis un beau gosse. Mais oui. Il est encore plus beau que moi, mais c'est vrai. Je suis beau gosse. C'est vrai. On est ouais, c'est ça. Tu vois deux limite Chippendales arriver, c'est nous. Deux chips. Ça donne vachement envie quand même. Enfin, plutôt des chips, ouais. Plutôt deux chips. Exactement, c'est plutôt c'est ça. C'est un hôtel suédois. Il est en train de faire quoi là? Il est en train de se croire dans un jeu télé. Oui, alors j'ai donné. Non, mais c'est pour pas donner le nom de l'hôtel. Motus, il va jouer, c'est parti. Alors attention, et en 6 lettres. Bon, je m'en branle, il est bleu l'hôtel, elle va me faire foutre. Il est bleu l'hôtel? Ouais, il est bleu l'hôtel. Ah bah très bien, bah tu sais quoi, on passera lundi, Laura. Ah oui, il est très sympa, les chambres, on l'a vachement bien. Ah ouais? Ah ouais, ouais. On va à 80 euros la nuit, c'est parfait. Ah ouais, bon, ouais. Bah, triomphe, il est très très bien l'hôtel. Très bien. Bon, bah Caroline, en tout cas, merci d'être passée, je te fais des gros bisous. Et puis bah pour le coup, tu passes vraiment à la radio quand tu veux, et puis voilà. Et nous, on passera à l'hôtel quand on veut, quoi. Et puis on passera à l'hôtel également quand on veut, bien entendu. Après l'émission, il va prendre sa carte au trésor et va aller chez l'hôtel dans Paris. Non, c'est bon, j'ai l'adresse. Ah bah nous voilà rassurés. Bon bah Caroline, Mathieu, vous avez encore un truc à ajouter? Non. Non, bon bah très bien, vous revenez quand vous voulez alors tous les deux. D'accord. Salut, à bientôt, ciao à toi. Laura, gros bisous également. Oui, bisous. À bientôt. Juste, est-ce qu'il y a moyen de gâter un petit gâteau. Eh bien, écoute, ça tombe bien, on a le 4 quarts ici, là. Donc, on va te filer un petit morceau de gâteau, mais il va falloir venir le chercher, par contre. Hein. Ah bah, il faut vous mettre dans le gâteau, alors. T'inquiète, je te mettrai une surprise dans le gâteau. Oh, et quelle surprise. Ah, ce bâtard, il va mettre un bout de sa bite. Ouais. Dégueulasse. Bon, on va te filer un pack, Laura, tu vas gérer ça avec Sandro, en standard. C'est cool, merci. Avec plaisir, je te fais des bisous. Salut à toi, Laura. Bisous, bonne soirée. Allez, toi aussi, merci d'être passé sur Fun Radio. Et puis, on va faire encore un petit appel, Toff, avant qu'il soit trop tard. Ben, quand tu veux. Allez, ben, c'est parti. On y va, là, pour vérifier si les gens font beaucoup l'amour au travail. Vérification. C'est parti. Allô? Oui, bonsoir, madame. Oui. Oui, voilà, en fait, je vous appelais pour savoir si vous aviez déjà eu des rapports sexuels sur votre lieu de travail. Ah, ça mérite d'être clair au moins, hein, directement le raccrochage à la gueule là. On va donc rappeler. Ça ne se fait pas. Voilà. Et puis on aura aussi le canular d'amine avec le coup des lions. On avait écouté ça il y a quelques semaines. Et comme vous avez été nombreux à le redemander, eh ben on va le remettre. Allô? Oui, bonsoir monsieur. J'étais en communication avec votre femme mais on a été coupé. Et tu veux mon poing dans la gueule ou quoi, toi? Bah pas du tout monsieur. Enfin, je vous appelle pour vous poser une question. Ouais, bien sûr. Tu veux que je t'en pose une, moi, de questions? Qu'est-ce qu'elle fout ta femme en ce moment? Je sais pas, j'en ai pas monsieur. C'est bien dommage. Bah oui. Oh! Ça Ça, c'était la pire. Ah ouais. Ah là, tu il risque de passer un très mauvais week-end après. Ouais, je vais pas dormir là. Ah non, là, il a été tellement violent. Oh, trop... oh merde, c'était putain, trop dur. Exactement. Bon, le coup du lion, c'est dans un instant. L'histoire du lion, dans un instant, sur Fun Radio. Restez bien sur Fun Radio également. Mickaël No Limit, il n'y a pas de nuit. Il n'y a pas de nuit. Il n'y a pas de pub toute la nuit sur Fun Radio. Et c'est comme ça tous les soirs à partir de minuit. Donc, il est 1h28. Mickaël No Limit jusqu'à 2h. Bienvenue et merci à vous d'ailleurs d'être aussi nombreux sur le Facebook et le Twitter notamment. Avec le hashtag Mickaël comme chaque soir. Et puis, Megumi qui dit. Attends, Mickaël, le ferme ta gueule qui sortait du cœur. Oui, c'est ça. Et Nila aussi qui dit salut toute l'équipe, Tof t'es le meilleur et Let's Be Freaks qui dit le même coton tige, c'est quand même dégueulasse. Je suis assez d'accord effectivement. Bon ben bienvenue tout le monde, continuez également à balancer un maximum de hashtags et Mickaël jusqu'à 2h du mat puisqu'on fera le top tweetos tout à l'heure à la fin de l'émission. On saura quel est l'auditeur de la soirée, le meilleur auditeur de la soirée, l'auditeur le plus influent sur le Twitter de l'émission avec le hashtag et Mickaël. On vous attend nombreux et nombreuses. Et puis on avait demandé le son de Both avec Both tout à l'heure sur le Twitter. Et ben je vous le mets, c'est un son que j'ai découvert pour vous il y a une semaine. C'est sur Fun Radio, Mickaël No Limit, bienvenue. Do you really think you can control me? Et voilà un son que je vous ai fait découvrir. C'était Both avec Both. Venez foutre le bordel tous les soirs. Fun Radio. Mickaël No Limit. Fun Radio. Et on est toujours au cœur de la nuit sans pub sur Fun Radio. Et je vous l'avais promis le canular tout à l'heure, on l'avait foiré avec Sophia là, ou Sonia. Ouais, parce que bah du coup on avait appelé sa copine pour lui faire croire un coup dans un hôtel avec Toff là. Et puis sauf que la copine elle a raccroché, elle a rappelé Sonia sur son téléphone en double appel. Et évidemment Sonia, qu'est-ce qu'elle a trouvé de mieux à faire? De décrocher. Résultat, on l'a eu dans le fion. Bon, donc du coup je vous avais promis de vous remettre le moment où on avait eu Amine. Je sais pas si vous vous souvenez, Amine c'était l'auditeur qui nous avait appelé pour piéger c'était quoi, un ami ou son boss, enfin, son oncle, voilà c'est ça. Et donc Amine qui nous avait appelé donc pour un coup de lion. Voilà, on a eu une histoire avec une voiture, un lion, enfin bref, c'était assez surréaliste. Donc voilà, donc Amine qui était avec nous et bon on va vous remettre ça maintenant. Ouais, salut, j'appelle pour faire une blague à mon oncle en fait. Une blague à ton oncle, c'est-à-dire je voudrais lui faire croire que bah en gros on a capturé un lion comme. Un lion. Bon et comment t'es censé avoir trouvé un lion? On l'a piqué dans un zoo, on va dire. Normal. Ouais, voilà, en gros, on était bourré. Et... Ouais, mais voilà. Tu sais, moi aussi, la dernière fois, j'ai vu un orang-outan, je l'ai pris avec. Non, tu vois, j'ai pris avec moi et on est rentrés ensemble, tes mains dans la main, on était cool, quoi. Ah, c'est vrai. Ouais, là, vous l'avez chourave, quoi. Ouais. C'est ton nouvel amoureux? Oui, exactement, oui, un orang-outan. Bon, et donc, du coup, ouais, à la Very Bad Trip, donc, genre, tu te retrouves avec un lion, t'étais bourré, tu sais pas ce qu'il fout là, et bah là, t'es dans la merde, quoi. Voilà en gros. Bon très bien, ok. On va l'appeler alors. Attends, est-ce que mon lion est là? Là, là, il est là. Ouais il est là, ouais. Là c'est bien là. Calme-toi Minou. Ouais il est vénère hein, pour le coup hein. Bon bah très bien. Des croquettes. Et ouais. Tu fais vite Amine hein. Des croquettes, tu vas voir, des croquettes. Bon on y va. Et pourquoi tu veux le piéger ton oncle en fait? Il t'a fait un truc en particulier? C'est une vengeance ou c'est juste pour l'emmerder pour le plaisir? Ouais, non j'aime bien l'emmerder pour le plaisir. D'accord. Bon écoute, on y va, on l'appelle. Ah, allô? Oui? Ouais, allô Michel, ça va? Bon, ça oui, va ça va. Ça va être un bon client. Ouais, ah, moi ça va pas du tout là, putain, il m'est arrivé une grosse couille. Qui? Moi? Pourquoi? Parce que, vas-y, là, tout à l'heure, je suis sorti là, putain, je suis parti au zoo et vas-y, j'étais bourré, t'as vu, et on a piqué un lion, putain. Voilà. Non, putain, sérieux, c'est pas drôle, et là... Oh, vas-y, dépêche-toi, là, qu'ils viennent vite le chercher, là. Putain, et là je suis avec des potes et le lion, oh putain, et là le lion, on sait pas comment faire et on voulait le ranger chez toi, c'est possible? Comment? Je peux passer à ça, non? On le met chez toi? Vite, il faut s'en débarrasser là, c'est-à-dire qu'il a déjà bouffé mon pantalon! Putain, on a piqué un lion, Michel. Comment? On a piqué un lion, Michel, on a volé un lion au zoo. On était bourrés, on a fait n'importe quoi. On a échappé un lion, il nous a suivi et là on voudrait le ranger chez toi, c'est possible, parce qu'à l'hôtel c'est trop petit et à l'appartement c'est pareil. Voilà, hein? Est-ce qu'ils peuvent venir le chercher là? Vite! Vite, est-ce qu'ils peuvent venir le chercher? Eh Michel! Oui! Ouais, on peut passer à Sanois, je le mets chez toi s'il te plaît. Non, non. Pourquoi? Non, non. Bon allez, t'as dit que c'était un pote là, qu'est-ce qu'il fout? Il arrive ou pas? Bah ouais Michel. Fais pas ton relou. Ouais Michel, en plus ta femme elle va rien dire s'il te plaît. Non. Mais pourquoi? Ça te dérange pas chez toi? La vieille elle va rien dire. C'est, ça me dérange. Et ah, tu,

Je dis bonne, bah, bonne nuit, même. Bonne nuit. Merci, merci. Allez, allez. Salut Michel. Bon, ben voilà. Bon, et on a galéré, mais finalement, ça va. Il a quand même bien. Il a quand même démarré. Il a mis le temps à démarrer, mais il a démarré quand même. Bon, ouais, allez, on va t'offrir un lion, Amine. Bah voilà, donc on lui avait pas offert un lion, hein, rassurez-vous, mais voilà. On a eu l'occasion de faire ça. Bah, finalement, merci à Sonia d'avoir foiré son canular tout à l'heure. Ça nous a permis de nous remarrer avec Amine et son lion. Et Armigoumi qui dit le sus nommé est mort de rire. Il y a Benoîteau qui dit c'est énorme les gars. Tony qui dit il était trop mortel, cet appel Mickaël, j'en pleure de rire encore aujourd'hui. Bah nous on s'est bien marré aussi. Clem qui dit non, je disais qu'il a marché le canular, c'est improbable mais réussi. Et alors Dams Nertic qui dit j'en peux plus, vous êtes des malades ce canular là, je m'en rappellerai un bon moment. Putain les comptes. Complètement barge. Et Laurine qui dit vous êtes complètement fou ce soir. Bah oui, on aimerait bien en refaire. Donc si vous avez des idées, si vous voulez piéger des gens, des copains, des copines, les parents, la famille, peu importe, n'hésitez pas bien sûr à vous inscrire. Vous me faites un petit mail mikael@funradio.fr et je vous offre des cadeaux. Alors la semaine prochaine, on a Just Dance 2014 à vous offrir avec la PlayStation 3. Il y en aura des écrans plats et des LED Full HD aussi à vous offrir. Donc si vous voulez jouer, si vous voulez. Ah bah on est plutôt bien. Donc si vous voulez jouer, piéger quelqu'un et repartir avec des cadeaux en même temps pourvu qu'on se marre évidemment, et bien vous me faites un mail maintenant si vous voulez mikael@funradio.fr et on fera les canulars tout au long de la semaine. Il y a Lucas aussi qui dit ce gag était surpuissant, ce gag, j'ai l'impression d'être dans les années 80 1930 le et gag. Ce gag, le gag était très Charlie puissant Chaplin. Très puissant le gag. Bon, on va se mettre le son de Bouya maintenant. On l'avait demandé tout à l'heure là. Qui c'est qui avait demandé ça encore? J'ai oublié son nom. Voilà, c'est moi. C'est moi. Oui, ça doit être ça. Bouya. Très bien. Eh ben, Showtech qu'on écoute maintenant sur Fun Radio, c'est Bouya. Eh ben voilà, vous demandez les titres ici. C'était Showtech avec Bouya qu'on l'avait demandé tout à l'heure. Allez vous faire foutre, j'ai fait des têtes de con. Tous les soirs, 23h, 2h, sur Fun Radio. Fun Radio. Oh, il était cool celui-là, il était cool. Il y a Megumi qui dit Mickaël, un petit rire à la Bruno, s'il te plaît. Tu l'imites tellement bien, oui, c'est vrai. Ouais, je ferai ça tout à l'heure. Après, non, tout à l'heure, tout à l'heure. Et Nicolas aussi qui veut un message de bienvenue. Eh bah écoute, ma foi, pourquoi pas. Attention, celui-là est violent. Hein. Toi, fils de pute, d'enculé de ta grand-mère. Voilà, c'était pour toi celui-là. Je l'ai pas mis souvent, tu vois, c'est pas mal. Il y a Ken qui dit bonjour en boulanger aussi. Bis à la famille, j'écoute tous les soirs. Eh, merci à toi d'écouter d'ailleurs l'émission. Et puis bon courage aussi à ceux qui taffent, bien entendu. Et ceux qui apparemment, alors parce que j'ai pas vu dehors, mais Polo m'a dit que c'était le déluge à l'extérieur. Il y a des éclairs et tout. C'est... Ah bah ça va être pratique. Il y a pas des éclairs au chocolat, toi. Non, certainement pas. Je voyais faire cette vanne de merde. Bon, il y a Yuri qui est avec nous maintenant. Là. Bonsoir Yuri de Sainte-Geneviève-des-Bois. Ouais, c'est ça. Comment ça va Yuri? Yuri, bonsoir tout le monde, ça va? Bah ça va bien Yuri. Bon alors, qu'est-ce qui t'amène? Et tu as bien fait d'ignorer la vanne idiote de Toff. D'ailleurs pour lui rendre service et parce que c'était son anniversaire hier, on va faire comme s'il n'avait rien dit. Tiens, il n'a rien dit. Il n'a absolument rien dit. Il l'a entendu en fond en fait, comme un paix mal dissimulé. Et voilà, c'est exactement ça. Et il était là, le paix mal dissimulé. Ça a donné à peu près ça. Ouais. Bah, c'est parfait. Bon, alors, yo, bah, ça va tranquille. Bah, mon histoire, de quoi on parle, qu'est-ce qui se passe? Elle est relou. Alors, explique-nous. Que, voilà, il y a pas longtemps, j'ai emménagé avec ma copine vers Saint-Gène. Oh, c'est mignon. Et déjà, le jour de l'emménagement, j'avais remarqué la personne, c'est une voisine d'en haut. Et voilà, elle m'a plu directement. On s'est regardé. Mais elle m'a plu parce que je suis un mec, tu sais comment c'est, quand tu vois une belle femme. Ouais, voilà, c'est ça, tu l'imagines directement avec une petite cartouche. Tu sais apprécier. Voilà, tu sais apprécier. Forcément, exactement. Non, mais après, dans ce cas-là, tu vas chercher des crasseuses, mais c'est pas ce genre-là, cette personne. En tout cas, c'était tout dans l'attitude, ça m'a plu. Dans la finesse. Ouais, voilà. Donc dès le déménagement, je l'ai vu, dès l'emménagement plutôt, je l'ai vu, etc. Et petit à petit, même avec ma copine, elle me regardait, mais de manière bizarre. Quand on se croisait dans l'immeuble ou et deux trois fois ma copine elle m'a dit c'est bizarre moi elle te regarde ou même t'as ça parce qu'elle en fait elle me parlait qu'à moi pratiquement la plupart du temps. Bonsoir ça va etc ouais. Et un jour je rentre chez moi et je tombe sur elle dans l'escalier elle descend et moi dessus, t'es tombé dessus? Non je montais en fait je montais dans l'immeuble. D'accord. Elle descendait, elle promenait son chien. D'accord. Ça veut dire, ouais, je monte, bim, Sean, j'ai les clés sur moi. Sean, ma copine, n'est pas là. Donc je fais quoi? Je l'appelle, je lui dis, t'es où? Elle était chez sa mère, mais je pensais pas qu'elle allait manger là-bas. Ouais. Donc du coup, elle me dit, je mange chez ma mère, ça va galérer une heure ou deux. Je dis, bah fais ta vie. Et je redescends, moi j'allais faire la mienne, revenir un peu plus tard. Ouais. Et je redescends, je tombe sur elle qui remonte. Et là, Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est dur à comprendre, hein, surtout à cette heure-ci, je t'avoue. Mais qui remonte? Ouais, mais moi, pas la voisine. Non, mais, l'ascenseur. En fait, non, je tombe sur elle en descendant, en montant, quoi. L'escalier, c'est l'escalier. Ouais. C'est pas l'ascenseur. D'accord. Je descendais pour repartir d'immeuble, elle est remontée avec son chien. Ouais. Et donc, on s'est croisés, elle m'a tutoyé. Bah alors, tu redescends tout de suite. Là, déjà, j'ai pas compris. Parce qu'on se parlait, mais on se tutoyait pas. Ma copine, c'est du vouvoiement, et voilà, quoi. Tu vouvoyais ta copine? Non, non, la meuf. Ah, quoi, la voisine. Ouais, bonjour, oh, vous putain, allez bien. Et là, ce jour-là, bizarrement, on se croise dans l'escalier, elle me tutoie. D'accord. Elle me dit, ouais, bah, tu redescends tout de suite. Je dis, ouais, bah, là, j'ai pas les clés. Elle me dit, bah, tu vas boire un café. Je dis, bah, vas-y, je monte, pas de soucis. Je suis monté en bon voisin, mais en même temps, elle me plaisait. Il y avait des petits yeux de regard qui ne trompaient pas en même temps. Donc, moi, j'ai apprécié le moment. Allez, je dis, vas-y, on y va. Je suis monté, de là, elle m'offre un café. Je commence à boire le café, tout, on se raconte nos vies. Ouais. Elle, c'est une divorcée, elle est divorcée depuis 3 ans. D'accord, donc elle était en chien, quoi? Bah, je sais pas, en fait, je la connaissais pas comme ça, quoi. D'accord. Je connais pas sa vie en général, mais... En fait, elle est divorcée de son mec, elle est restée 9 ans avec lui, là, ça fait 3 ans qu'elle est toute seule. Elle bosse, elle fait sa vie, et donc voilà. Et on part, on se raconte nos vies, elle a bien vu que ma copine était enceinte, parce que ma copine est enceinte. Ah, d'accord. Et alors... Ouais, aussi, ouais. De qui? De lui. De la voisine. Ah, d'accord. Et bref, moi, je vais abréger parce que ouais, je m'éternise. Et en fait, on discute tout et je vois que le courant, il passe super bien. D'accord. Une discussion, on se raconte nos vies, etc. Électricien, c'est pour ça. Ouais, ça veut dire on se dit à plus tard, quoi. Bim, je repars et on se recroisait toujours comme ça. Ouais. Et un jour, je rentre chez moi, un soir, ma copine a été chez sa sœur. Ouais. Et je vois qu'il y a une fête chez elle. Ouais. Ça veut dire moi je rentrais me changer et je ressortais. Et à ce moment-là, je vois qu'il y a du monde à la fenêtre, ça fumait des clopes, tout. Et elle met sa tête. Et à chaque fois que je rentrais chez moi, j'avais l'impression qu'elle était à la fenêtre, qu'elle attendait que je rentrais. C'est un fantôme. C'était bizarre. Ouais. Et ben, je sais pas, c'était bizarre son attitude. À la trentaine d'années. Moi à la base, dès les premiers jours, je pensais qu'elle était maquée, qu'elle avait quelqu'un. Donc j'avais pas moi. Et en fait, avec ma copine, ça va pas trop. Je sais que tout le monde dit quand il a un cartable, avec ma copine, ça va pas trop, on n'est pas dans le bon. Mais moi vraiment. Ouais, je suis resté avec elle par habitude, ça fait 3 ans et demi, 4 ans, je suis avec elle, je suis resté avec elle, malheureusement, bon, heureusement, parce que je suis content d'avoir ma fille, en vérité, elle va bientôt arriver. D'accord. C'est que du bien pour moi. Ah bah oui. Mais voilà, j'ai niqué avec la voisine. Ouais, voilà, ah, gros, tu t'es tapé la voisine. Ouais. Oh là là. Mais le pire, c'est que là, il y a 2-3 semaines, elle m'a annoncé, je sais pas si c'est vrai, c'est peut-être une stratégie féminine. Qu'elle était enceinte. La voisine? Tu vas être double. Ouais, je te jure. Oh putain, double jackpot, mec. Comment te dire que... Je suis dégoûté. T'imagines, tu vas avoir des jumeaux, mais pas avec la même meuf. Ah putain. Tu déconnes ou quoi, toi? C'est surtout la pension, hein. Bah en fait, là, c'est une grosse galère pour moi. Elle s'offre de plus en plus, comment on dit, pas harcelante, mais... Oppressante. Ouais, oppressante, ouais. Elle pousse un peu le truc au point qu'elle croit qu'on est... complètement ensemble, tu vois ce que je veux dire? Et moi j'ai merdé parce que pour la ken j'ai dit des mots que j'aurais pas dû dire. Non mais t'as merdé, je te confirme. Alors... Je me suis avancé, oui ma chérie, oui, tu connais pour ken tremper la biscotte. Mais en vrai, elle me rend fou. Ouais, t'inquiète, je sais pas de quoi tu parles. Voilà. Ouais. Hein, non mais c'est con, mais j'ai bon, écoute, à ce moment-là. Mais... Yuri, ce qu'on va faire si t'es dispo dimanche, c'est qu'on va te reprendre dimanche soir pour en parler un petit peu plus en détail, demander l'avis des autres, des filles, des garçons, etc. etc. Y'a pas de soucis. On fait comme ça. En tout cas, bravo à toi. Ouais, félicitations. Ça y est, jackpot. Hein. Félicitations, mon chéri. Ah oui. Pardon. Félicitations, mon chéri. Ah oui. Laquelle me dit ça? Bah, c'est Sandro, hein. Bon. Voilà, t'inquiète pas. Elle voudrait, ça, voudrait son tour également. Disait. Parce qu'il disait, j'ai fait comme tous ces cons à dire ça à une nana que je kiffais pas au machin. Parce qu'elle voudrait aussi un bébé, Yuri. Oui, donc, visiblement, tu as l'air d'être plutôt performant à ce niveau-là. Je fais payer. Hein. Bon, Yuri, on te reprend dimanche soir. Ouais, on te reprend dimanche. Ça marche. Merci, Yuri. Ouais, prenez soin de vous, au revoir. Merci, toi aussi, Yuri. Bon, lui, il prend bien soin de lui, hein, de ce côté-là, on est tranquille. Ouais. Il y a Laurent qui dit, Mickaël, on vous écoute tous les soirs, vous êtes trop kiffants, on est boulanger. À l'île de la Réunion, et va te faire... Et courage à tous ceux qui taffent la nuit. Tof, c'est quand tu veux. Il y a de quoi s'amuser ici. Et nous, on pue, Laurent. Comment ça se passe Non, c'est que moi qui peux m'amuser. Ouais, c'est ça. Ouais. Alex, il dit je suis nouveau depuis deux semaines. J'ai pas eu mon message de bienvenue. Ah bah attends, on va te le mettre le message de bienvenue. Tiens, alors attends. Petit message de bienvenue. On va se mettre celui-là. Et dans ton cul, au connard. Voilà, bienvenue à toi. Et puis Lucas qui dit fils de pute, donc tu es ta grand-mère. Je suis mort de rire. Écoute, plaisir. C'est avec grand plaisir. Bon, 1h59. On va clôturer maintenant. Eh bien, le top tweet. Allons-y, allons-y. Et merci d'ailleurs, on a été numéro 1 du top tweet toute la soirée d'ailleurs. Merci, voilà, tout simplement. Et puis avant de. Bah, le temps que ça comptabilise, non, là, il y a Jérôme qui était venu nous apporter gâteau pour l'anniversaire de Toff. Et puis MLM, si tu voulais faire aussi une petite idée. Bah, déjà, merci à toi, allume ton micro, voilà, parfait. Et bah, merci à toi déjà. Bah, merci à vous de m'avoir invité. Avec plaisir. Et du coup, tu voulais faire. Tu voulais passer un message. Bah, ouais, je voulais passer une petite dédicace à mon petit chaton là qui normalement est en train de dormir, mais il y a ses amis qui doivent écouter, donc je leur passe un bonsoir. Voilà, et donc tout ça pour dire qu'il a pas arrêté de draguer Sandro toute la soirée, donc comme ça vous pourrez lui dire à sa copine aussi. C'est vrai. Oui, il faut dire la vérité. Mais je suis fidèle. Je suis fidèle. C'est vrai, alors que si Sandro avait dit ok dans les chiottes, hein, ça aurait été quand même. Ah, même dans le studio, il l'aurait démonté. Mais hein. Qui est pas fouteur de merde d'une douille, tu vois. Non, c'est faux, c'est faux, c'est vrai en plus. Enfin, c'est vrai que c'est faux, hein. Pas c'est vrai que c'est vrai. Enfin, mais, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, non, ça, c'est pas vrai. Non, c'est vrai que c'est faux. C'est vrai que c'est faux. Pas c'est vrai que d'accord. C'est vrai. Ok, d'accord. Ok, c'est vrai que je suis fidèle. Ouais, voilà. Ça, non, ça, c'est, tu vois, c'est le détail que j'avais pas pris, tu vois. Bon, bah, en tout cas, merci à toi, Jérôme. Et alors, top tweetos, numéro alors, 5. Numéro donc, ce 5. Sont les 5 auditeurs les plus influents sur le Twitter ce soir depuis 23h. Alors, c'est Storm Dreamer. Oui, il a perdu les plumes, lui. Oui, il a perdu. Ah, il a été deuxième à un moment, hein. Oui, mais il a pas été très bon ce soir. Ah bon, bah cinquième alors ce soir, pas alors, terrible. Numéro 4. C'est enfin. Mr. Steven. Mr. Steven, lui non plus, il a pas été très bon ce soir. Il a déjà fait mieux, me semble-t-il. Oui. Alors, numéro 3. Nous avons Ted Dance. Ted Dan. Dance. Ah, Dance. Je lui dis, il est con pour qu'il s'appelle Ted Dan. Bon, ok, alors numéro 2. Et gros porc après, on aura. Black Star, bravo 9. D'accord, c'est nouveau ça, me semble-t-il. Non, il était déjà là hier et avant-hier. Ah, mais d'accord, il était, ok. Il était moins bon. Ok, très bien. Et enfin, Let's Be Free. Let's Be Freaks, numéro 1, comme d'habitude. J'ai exactement. Vu la photo de requin, c'est quand tu veux avec les tatouages, j'adore. C'est Laura qu'on a eu. C'est Laura qu'on a eu tout à l'heure, effectivement. Bon, on va passer une bonne nuit en tout cas, profitez bien du week-end et puis nous on se retrouve dimanche soir à partir de 20h avec du pur cadeau encore, hein. Je vous en avais parlé là, notamment les écrans plats LED Full HD, on aura des PlayStation 3 encore à vous offrir avec le jeu Just Dance, et c'est pour vous les filles, enfin pour les mecs aussi, mais les filles en général aiment bien parce qu'il faut danser, Toff il va essayer de danser, oui, ça va être un drame. Je vais danser comme une star. Non, comme une chienne plutôt, non. Non, je me croirais dans Danse avec les stars. Il va se mettre en tutu. Voilà. Il va se mettre en tutu en ballerine. Ouais. Va être bien, non? Mais je vais être magnifique. Il va être trop mignon. Ah oui, bah oui, magnifique, tu m'étonnes. Je vais croire que je danse avec Alizé. Waouh, la grande classe. Bon, on se retrouve donc dimanche et puis il y aura peut-être une petite surprise aussi en termes de cadeaux à partir du dimanche soir 20h. Voilà, donc restez bien là. Prévenez bien vos potes qu'on est là tous les soirs sur Fun Radio et dimanche dès 20h. Je compte sur vous. Merci à vous d'avoir été là nombreux et nombreux sur le Facebook et le Twitter de l'émission. Et puis bah, rencard, voilà, dimanche à partir de 20h sur Fun Radio. Prenez le contrôle. Oui, mais c'est pas celui-là que je devais mettre. Hop là. 23h, 2h. Mickaël, nos limites. T'as à foutre, tête de mort. Sur Fun Radio. Fun Radio. Allez, on va juste se quitter d'abord. Enfin, se quitter, tout est relatif, évidemment. On va se quitter avec notre ami JB. Comment ça va? Eh ben, ça va bien, j'ai oublié le générique. Ah. On va le mettre maintenant. Faisons-le. Hein, bah oui. Ah, bah oui. Allez. JB, il kiffe chanter le générique. Ouais. Bien sûr. Allez, c'est attention. C'est le plaisir du soir. Générique. Je vais pas faire ta gueule de merde. Toi, l'enculé. Tu prouves tes bites. T'as fait sucer, toi, l'enculé. Enculé, c'est ton nom. Comme toi. Ferme ta gueule de merde, toi, l'enculé. T'es un enculé. Tu veux plus dormir, on vient manger, car pas plus de temps, donc toute la journée. Comment ça? J'ai bien changé la prog. Va te faire enculer maintenant. Je sais, c'est pas bien. T'as rien à faire, tout le connard. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Espèce de petit pili de merde, va. Quel cochonnerie. Que veux-tu? Ils sont canadiens. Sale con. On va faire chier ta meuf, là, on cule ta meuf, mais lâche-moi les couilles, là. Va te faire enculer maintenant. Quand t'as l'air, toi l'enculé. Tu montes vite, on fait sucer toi l'enculé. Allez, j'y vais. Enculé. Et toi, t'as un nom de l'enculé. Oui, nous les deux, on est les enculés. Attention, les loups qui revenus de Winfell. Suce ma bite. Eh ben voilà, très bien. Bonjour à moi. Eh, elle s'est barrée nouveau là, putain. Ah, elle est quand même une vraie dinde, elle. Bon ben, voilà, Lilou, vous retrouverez lundi dans Love in Fun à partir de 20h aux côtés du dog de Kared et de Karima, bien entendu. Bon, j'y vais. Juste un truc. L'auditeur, il s'appelle comment? Il s'appelle Jérôme. Comme like the big boss of est-ce Fun Radio. Est-ce que tu sais la chance que t'as? Est-ce que tu connais la chance que t'as? Ouais. Non, pourquoi? Bah parce que t'as le même prénom que notre big boss. Ouais. Ah bah. Et il s'appelle Jérôme. Je veux... Excuse-moi, mais il est quand même beaucoup plus beau que toi. Hein. Oh, quel suce-boule. Oh là là là là là là. Mais quel suce-boule. Non, parce que Jérôme, c'est... Enfin, mais c'est ça, c'est ça. C'est Jérôme. Moi, hein. Bien sûr, bien sûr. Bon, on va se mettre du son des Flore. Exactement. On va mettre Bakermat. Bakermat? Ah non, ça c'est pas possible. Je l'ai mis il y a genre pas longtemps, quoi. D'accord. Ah, donc ça veut dire que t'es obligé de changer la prog. Ouais. Ça m'ennuierait de faire un mail demain. Monsieur Lucas, Monsieur Pedro, cher. Directeur d'antenne de Fun Radio, je tiens à vous signaler que le susnommé Monsieur JB s'est permis une fois de plus de changer la programmation musicale qui a été pourtant parfaitement bien faite par Monsieur Rémi. Ah ouais. Bon. Par conséquent, il tient à vous dire qu'il vous remet sa démission et vous souhaite bonne chance pour la suite. Ce qui va se passer pendant 3 minutes sur Fun Radio. Retour à la normale dans 3 minutes. Oh, quel mytho. Oh là là, tout on de suite. Quoi, là, on met quoi? Ben Nirvana. La tête des JB. Bon, allez, Criouella. Ah, ça c'est bien. Ça va. Ça va. Allez, bonne nuit tout le monde. Hein. Bonne nuit. Et rencard de... Oh merde, stop. Ah. J'ai oublié l'imitation de Bruno dans la radio de Mamata à partir de 6h. Voilà Bruno. Oh putain, toi t'es mauvais par contre. Oh putain, lui il est pas bon. Hein. Chewbacca. Ah ouais, il est pas bon. Bah, Bruno. Bonjour. Oh, Casimir. Oh putain. Oh putain. Et après ça me taille. Non mais en plus j'adore Bruno, c'est vrai. Ouais. C'est faux, il y a 5 minutes tu viens de dire ah putain ce gros connard encore là qui va me faire chier à 6h du mat et tout avec son émission pourrie. T'as vu comment t'es? Vas-y, assume JB. C'est ça, assume, à un moment sois franc, sois honnête. Bah oui, c'est un enculé, voilà. Oh, oh c'est bon ça. J'envoie immédiatement un message à Fonf. Alors, prendre la pige à 2h06. Voilà. Alors, Fonf, voilà. Non, parce qu'il va vraiment le faire à 6h. Prendre la pige à 2h06. Alors la pige pour ceux qui connaissent, c'est enfin qui connaissent pas justement, c'est le jargon pour dire l'enregistrement de l'émission. Ouais. Donc rencard à 6h du matin, vous allez rigoler je pense. Voilà. Allez. C'était pas moi hein. Non, bah pas du Jérôme. Tout. Bon, bonne nuit bien entendu. Si on se revoit pas, adieu. Bon bah mettons Nirvana, on s'en fout à son nom. Bon si t'assumes, je veux bien. Créouez-la maintenant, live for tonight. Bonne nuit. Ciao. Allez for the night.